Vous arrivez donc, tous les trois, au niveau du bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande. Vous avez traversé durant ces dernières heures, et d'ailleurs une nuit complète, vous avez traversé de la moyenne basse ville jusqu'à la haute ville où commence à tout simplement avoir des bâtiments institutionnels et ce genre de choses. Et vous rentrez dans ce ministère de la propagande, ce même bâtiment dans lequel vous avez reçu ces uniformes que vous portez, ces mêmes bâtiments dans lequel vous avez rencontré Alceo Del Innocenzo pour la première fois. Vous avez rencontré aussi Aelig là-bas toute la première fois. Enfin, du coup, c'est assez rigolo comme retour en arrière, puisque maintenant, quand vous y allez, vous êtes professionnel et vous y allez avec des buts. Vous pouvez même crâner devant 2-3 étudiants en train de réviser ce que vous révisez il y a quelques lunes de ça. Vous arrivez à l'accueil. Où se tient un homme, les cheveux courts, un peu en pétard, qui du coup vous accueille comme un n'importe qui. Messieurs, je peux vous aider? Enfin, messieurs, dames, bien sûr. Oui, on vient pour jeter un œil sur des affaires qui se sont passées il y a quelque temps. Ah! Vous voulez accéder aux archives, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous montrez juste vos matricules, voilà. Très bien. Ou pas moi, au monsieur derrière moi. Mais vous voyez juste un homme qui est assis dans un coin, qui observe vos matricules et qui fait un signe de la tête et vous indique du coup une porte derrière lui. Vous savez que ces personnes-là, ce sont des métropolites. Ce sont des métropolites qui sont formés pour en fait retenir toute information visuelle ou auditive qu'ils entendent. Et en fait, leur seul but dans la vie, c'est tout retenir pour servir de support d'archives sans devoir utiliser des matériaux quelconques. Enfin, ouais, vous descendez du coup derrière cette porte. Vous ouvrez une énorme porte de métal avec des longs escaliers qui s'enfoncent. C'est la première fois que vous accédez au sous-sol hein, des bâtiments institutionnels. Jusqu'à présent, tout se passait dans les étages. Hein. C'est la première fois qu'on vous permet de descendre en bas. Il fait tout à coup une ambiance très renfermée. Il semblerait que la pierre a pris bien l'humidité. Il semblerait d'ailleurs même que la luminosité n'est pas forcément ce qui compte, malgré le fait que l'électricité est plutôt chose courante, hein, vu que c'est même le seul moyen d'éclairage qui existe quasiment. Et simplement, une femme se dirige vers vous et vous dit tout simplement « Messieurs, c'est pour. » Elle se trouve derrière un petit comptoir sur lequel, en fait, il y a un petit grillage pour éviter que vous accédiez directement sans autorisation. Oui, nous voulons avoir accès aux archives des affaires qui ont eu un rapport avec le tueur machine. Excusez-nous, mais vous ne trouverez rien d'ici. Vous comprenez bien que retenir des informations sur une légende urbaine n'apporterait pas grand-chose au ministère de la Propagande. Ou enfin quelque chose qui pourrait s'apparenter à enfin forcément. Le tueur machine, mais des affaires qui pourraient avoir des similitudes avec. On est aussi intéressé par le tueur du quartier du Glyphe. Aussi. Et si vous ne croyez pas aux légendes, qu'en est-il des théories du coup réelles avancées par vos employés? Je vous dis juste que pour l'instant, ces tueurs-là. N'ont aucune preuve concrète, le ministère de la Propagande ne conserve pas des informations, enfin, s'il en a conservé, elles ont été fondues depuis bien longtemps. On n'avait rien de plus concret que ces petites histoires. Bon, je suppose que vous êtes sur une enquête, si vous venez chercher des documents par rapport à ça. Vous avez quelque chose. Dans le peut-être des meurtres qui auraient touché des artistes, le milieu des artistes par Oui, du exemple. quartier des glyphes, faites pas la conne. Excusez-moi, monsieur. Quartier des glyphes, effectivement, mais. Je vous dis juste que pour l'instant, les seuls noms que vous m'avez cités sont des légendes et que par conséquent, nous n'avons pas. Mais des Là, tueurs en série, est-ce que vous auriez des il y en a pas. meurtres qui auraient touché des artistes et aussi des meurtres, les derniers meurtres qui ont été recensés dans le quartier des Glyphes? Notamment des meurtres en série. Oui, je viens, mais Serial en fait, killer? c'est un peu large. Vous n'avez rien de plus précis, vous n'avez pas un nom, un élément qui me permettrait de comprendre quelle affaire vous cherchez. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de meurtres, à part si vous voulez que je vous sorte vraiment tous les stocks de tous les meurtres. Avec des signes qui auraient été dessinés dans le corps ou gravés dans le corps, on aurait aussi une histoire de musique, par exemple, de la musique qui serait jouée sur le lieu du crime. Un meurtre par balle. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'effectif ? C'est très frais. Je suis désolé, je vais vous chercher ça. Et vous voyez qu'elle s'éloigne. Elle vous ouvre une petite porte de grillage qui honnêtement n'a pas l'air très très solide. Vous voyez que c'est plus là pour dire n'y rentrez pas sans autorisation que pour vraiment essayer d'arrêter quelqu'un. N'importe qui d'entre vous pourrait y rentrer sans aucun souci. Et elle vous ouvre et vous dit tout simplement de suivre le petit homme qui est face à vous. Vous vous approchez, elle vous tend d'ailleurs un petit bougeoir. Elle vous dit qu'ici, l'électricité évite d'être trop utilisée vu que peu de personnes y passent. Et vous voyez, en vous approchant, vous voyez du coup en vous approchant un homme de très petite taille, vous direz peut-être 1m20, 1m30, cagoulé totalement avec une énorme cagoule de cuir, des énormes lunettes qui prennent la moitié de son visage, et dans une tenue très sombre. À vrai dire, aucune peau a l'air d'être visible de cet homme, et qui lève la tête, vous observe longuement. Et puis une fois qu'il semble avoir identifié tous vos visages, il se met en route. Il ne vous parle pas. Il attend juste que vous le suivez. Si vous le faites pas, vous voyez qu'il se retourne à quelques mètres, insistant. Bon, en même temps, on n'a pas besoin d'aller très vite. Regard. Il est petit. Là, il fait deux pas, on en fait un, quoi. Non, il marche dans une allure tout à fait normale. Vous vous enfoncez du coup au milieu de ces archives. Vous voyez que les archives sont plutôt grandes. En même temps, vous savez que ce lieu-là est la plus grande archive pour le ministère de la Propagande et que c'est là qu'ils conservent tout ce qui est le plus important. Le fait d'ailleurs que votre dossier s'y trouve montrerait déjà une importance assez certaine. Je rappelle que ce qui n'est pas important est soit fondu, soit conservé dans des petites succursales et qui, au moment où ils seront périmés, finiront par être vendus. Le fait qu'ils se trouvent au centre même du ministère de la Propagande montre qu'il y a quand même un intérêt certain. Et au bout d'un moment, il s'arrête, retire une énorme boîte de cuivre, qui est d'ailleurs reliée par de la cire, enfin qui est cachetée exactement. Il ouvre, retire le cacheton, ouvre la boîte de cuivre et observe pendant quelques secondes l'intérieur, vous voyez, qui touche chaque objet qui semble bien sauvegardé. Puis il referme la boîte et vous l'attend. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte ? Si tu l'ouvres tout de suite, tu vois que dedans, il y a l'air d'avoir des disques phonographiques et des plaques de cuivre. Tu sais que les boîtes, vous pouvez les emprunter pour aller les observer ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande vos matricules, ce genre de choses, pour savoir qui prend quoi, et c'est pour ça qu'il observe l'intérieur de la boîte. Vous vous en doutez. Vous retournez sûrement sur vos pas, parce que vous avez autre chose à m'indiquer. C'est tout ce qu'on a ? Juste une boîte ? Il n'y a pas plusieurs... Il n'y en a qu'une. Une grosse boîte, malgré tout, mais il n'y en a qu'une. Vous ressortez, la femme ferme le portail derrière vous. Vous souhaite bonne chance et vous laisse remonter les escaliers. Vous arrivez au hall du bâtiment et l'homme, tout simplement, qui vous a accueilli, fait « Ah, j'ai d'ailleurs une nouvelle pour vous. Vous êtes bien ceux qui sont allés dans la... Vous êtes installé dans la nouvelle succursale, là, le bâtiment à trois étages, là, au plein milieu d'une résidence, c'est ça ? Bien cela. Ouais, apparemment, vous avez une livraison de... Un petit colis qui vous attend, de plaques de cuivre, de missions, ce genre de choses. Ça serait bien que vous y allez, je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui vous cherche, quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit, c'est un messager. Du coup, si vous êtes intéressé, faites un détour. Tardez pas trop, parce que bon, nous on envoie des plaques, ça serait bien qu'elles prennent pas la poussière, on a autre chose à faire du cuivre. Ok. Ah bah cool. Vous sortez de là, qu'est-ce que vous faites? Bien, j'imagine qu'on passe au niveau du QG. Il est à combien de temps exactement de distance? Si je me souviens bien, en termes de distance, on est plus près de là où on voulait aller que de chez nous. Effectivement, le temps de trajet de 2-3 heures pour aller à votre QG, c'est ce que vous avez fait avec Alceo au début, lorsque vous avez découvert. Là où c'est pas équidistant, c'est un peu plus proche quand même d'aller au quartier de la Note, mais ça reste quand même assez négligeable comme temporalité. L'un permet d'accéder à l'autre au choix. Parce que la ville n'est pas que des grosses routes droites, hein, donc vous pouvez vous diriger. Écoutez, faites-moi penser à l'occasion, si on peut, à ce qu'on achète des vélos. On ira un peu plus vite. C'est vrai, on pourrait les peindre en bleu. Tout à fait. Ça nous permettra de gagner un peu de temps sur certaines affaires. Des fois, ça se joue à la minute, alors. Ça nous maintiendra en forme. Voilà. Du coup, vous voulez aller où? Tu remarques les 8 heures de marche. Vous voulez en retourner au QG ou on va se renseigner parce que il y a soit aller voir Auguste Vachet, soit aller à la guilde, enfin la guilde, la loge des antiquaires. Je commence sincèrement à avoir mal aux pieds, alors moi, au plus près, Samir. Ouais. Non, je veux dire, c'est vrai, ça fait 2 jours qu'on n'arrête pas de cavaler dans toute la ville. Bah écoutez, au pire, on peut retourner au QG, on pourra se reposer, prendre une petite douche, et puis après on s'occupera du reste. Auguste Vacher n'ira nulle part, la loge elle va pas se déplacer entre temps. Ouais, ils vont pas s'envoler. Voilà. Et puis comme ça, je me chargerai d'écouter les disques posés sur notre canapé. Ok. Ça te va, Kornilov? Ouais, bien entendu. Parti. Oui, Hugo, déjà. Alors, Hugo, il était en train de s'occuper d'une affaire en basse ville et oui, il vous rejoindrait bien rapidement. Il doit être bien triste en ce moment. En basse ville, Hugo. De toute façon, vous doutez bien qu'il va pas y rester très longtemps. Voilà. Il faudrait qu'on prépare quelque chose, un petit quelque chose pour son retour. On a des connaissances d'éléments qu'il affectionne particulièrement? J'aimerais répondre oui, mais je ne pourrais pas te répondre tout de suite. Parce que d'ici là, j'aimerais bien, dans son bureau, lui déposer un petit quelque chose qu'il aime bien. Je sais pas si c'est des chocolats, que c'est courant dans les crimes, ce sera des chocolats, si c'est... Sinon, tu lui offres une fleur des crimes? Ouais, j'y ai pensé, je sais pas si c'est... Ouais, puis faudrait quand même pas mal interpréter mes propos non plus. Bon, allez, assez pavassé, bavardé, tout ce que vous voulez, on file. Allons-y, alors. Sachant que rien ne vous empêche de prendre un transport, sachant que vous êtes en ville, en plus, il y a les... c'est pas des chaises porteuses, mais c'est des petites caissons qui sont qui sont tractées, donc il y a des trucs, voilà. Je n'ai pas les mots, désolé. Des télésièges? Non. Non. C'est des trucs tractés à une ou deux places, donc vous pouvez en emprunter si vous voulez. Dans tous les cas, qu'importe, le trajet peut être... Je pense, dans ce cas-là, en effet, ça paraît plutôt cohérent avec le fait qu'on a envie de se poser. Tout à fait. Que tu as mal aux pieds, surtout. Oui, exactement. Les vélos électriques, j'imagine, du coup, ça n'existe pas. Alors, pas encore. Quel feignasse. Mais qui sait, peut-être qu'un ingénieur travaillerait en électricité... On a le vélo. Parce que, à force d'aller à droite à gauche, autant essayer d'adapter son environnement. Après, tu sais que Venise est particulièrement réputée pour être très piétonne. Enfin, genre, c'est très très commun. Tu sais que d'autres villes, parce que tu ne viens pas de Venise, tu sais que les autres ont tendance à préférer vraiment des moyens de transport comme la voiture et même n'importe quel moyen de transport. Toutes les villes ont quasiment des métros, enfin des tramways au moins, ce genre de choses. Venise est une des rares villes qui est quasiment exclusivement piétonne. Et d'ailleurs, même le vélo n'est pas si commun que ça à Venise. C'est une des rares villes où les gens disent « Oh, well, je préférais marcher pendant 6 heures que prendre le vélo. » C'est un peu, tu sais, dans la culture de cet endroit. Voilà, c'est bourgeois. Non, mais ils font ça aussi. À force d'avoir des emplois au pied, j'en ai une qui vient d'apparaître au-dessus de ma tête. Je vais aller approfondir ça dans le futur. En tout cas, vous vous rendez, enfin, vous décidez de vous rendre d'abord du coup au QG pour ensuite aller voir tout le reste dans la haute ville, sachant que il n'y aura pas non plus 3 heures non plus de marche après, parce qu'encore une fois, certaines rues permettront de remonter plus rapidement. Ok. Vous vous rendez du coup au QG. Vous arrivez dans votre quartier. Oui, non. Vous arrivez du coup dans le quartier où il y a le QG, vous rentrez dans cette immense bâtisse et vous commencez à monter les étages. Et je vais en profiter pour poser ma question habituelle. Oui. Je le veux. Je sais pas pourquoi je permets de dé tous les deux secondes. Bon, c'est pas grave, on va faire sans dé, on va faire. Je cherche son texte. Alors, okay. Comment tu te sens Du coup, exact. Non, le texte je le laisse, ça c'est bon. C'était par qui je commence. Et justement, c'est bien que tu commences parce que Victor s'est tombé sur toi. Victor, dis-moi comment tu te sens, tes sentiments, tout ça. Eh bien, j'avoue que je suis assez intrigué par notre enquête du moment. Ça a l'air d'être l'enquête la plus intéressante qu'on ait vraiment eu à traiter depuis que nous sommes dans les études et maintenant nos fonctions, quoi. Et là, vraiment, autant la première enquête, on avait l'impression que c'était vraiment... j'avais l'impression que c'était vraiment... aller faire quelque chose, quoi. Aller voir s'il y a quelque chose de sympa là-bas. Autant, là, il y a une réelle responsabilité, il y a un mort. Donc, il faut vraiment... on compte sur nous pour trouver ce meurtrier. Du coup, c'est là vraiment que je me rends compte de notre utilité et que... on a la possibilité de changer pas mal de choses. Et pour d'ailleurs rajouter un peu de poids à ton sentiment, il est très, je vais dire legit, mais c'est pas très joli comme mot, très, pas valide non plus, pertinent. Oui. Il est très pertinent dans le sens où, même si on l'a fait en ellipse en session, mais vous avez fait quand même quelques plaques, etc., qu'on vous a envoyées, et c'était toujours des missions, comme je l'avais dit, très tertiaires, très aller chercher cette personne, aller... C'est vrai que c'est la première fois, mais en même temps vous avez monté en grade et c'est là que tu le ressens effectivement, parce que c'est la première fois que vous avez une responsabilité. Beaucoup de choses ont été éclipsées, mais effectivement vous avez vécu quand même des missions pas très intéressantes durant votre début de séjour. En tout cas, vous finissez de monter les étages et vous arrivez du coup au 7e, l'entrée du coup de votre... au 6e. J'ai un doute. au 6e, il me semble que c'est 6-7-8. Ouais. Au 6e, du coup, à l'entrée, du coup, vous avez mis votre divan, ce genre de truc, vos 2-3 premiers meubles. Et devant la porte se trouve une personne allongée. La tête posée sur quelques plaques de cuivre, 5 ou 6 qui ont été entreposées là. Vous devinez que ces plaques de cuivre sont le colis qu'on vous avait dit d'aller chercher. Et il y a face à vous une personne allongée. En vous approchant, vous la reconnaissez, puisqu'il s'agit de Sofia Benedacci. Ah. Elle est allongée, comment ça? Elle se repose, elle dort? Oui, là, elle n'est pas dans un état conscient. Elle dort ou autre. Mais elle a l'air de respirer. Elle a l'air de respirer, d'ailleurs, très bonne question, parce que quand tu... Si tu t'approches un peu pour voir où elle en est, tu remarques qu'elle est remplie de bleu et d'ecchymose... sur les parties visibles de son corps. Oh. Ça va? Question un peu bête dans ces paroles. Là, elle est vraiment inconsciente. Là, en tout cas, c'est pas réveillé sous tes mots. Moi, je la secoue un petit peu. Genre, je viens au contact et je la secoue un petit peu, voir si elle réagit. Non, mais je vais pas. Mais genre comme ça, c'est comme tu me fais s'il te plaît. Tu voudrais réveiller quelqu'un en fait. Tu me fais s'il te plaît un. Un quoi? Un petit jet. Un jet de. Ne, je te dis pas. Donne-moi juste 2d6 et je te dirai. D'accord. C'est le jet mystère. C'est le jet mystère. 3. Voilà. Et le deuxième dé? 3. Tu vois que tu arrives à la réveiller, mais elle est prise d'un élan de panique en fait en se réveillant et commence tout simplement à hurler lâchez-moi et commence tout simplement à essayer de se défendre en fait. Hein, tu es au corps à corps. Je mets ma main sur l'épaule de mon ami et je le tire en arrière pour en effet qu'il lâche prise. Je pense que c'est pas du tout la bonne approche. Fais-moi s'il te plaît rapidement quand même un little jet pour voir si tu arrives à réagir assez rapidement avant que. Un jet de quoi? Que ça panique trop. Fais-moi un. Bah, ça va être athlétisme, on va dire, pour la rapidité. 6. Okay. En tout? Oui. D'accord. Tu veux attraper. J'en ai vu que ça passe pas. Tu veux attraper l'épaule, en fait, de Victor pour le reculer et qu'on. Visiblement, la situation a l'air de mal passer. Et tout simplement, Sophia est déjà en panique, fout un énorme coup dans les côtes de Victor et commence à se redresser pour courir. Donc elle commence en fait à partir sur votre côté latéral et commence à vous longer pour. Elle va potentiellement sortir du bâtiment comme ça. Est-ce qu'elle peut sortir? Vous ne savez pas. Il y a moyen qu'elle soit coincée à l'intérieur si jamais le portail était bien été fermé. Vous savez que si elle a réussi à rentrer, elle connaît peut-être un moyen de sortir. J'essaie de la calmer simplement, alors de les faire. C'est nous, rassurez-vous. Vous êtes en sécurité. Voilà ce que je peux dire sous la panique à quelqu'un qui est en train de s'enfuir et qui pense qu'on est. Enfin, je pense qu'on est un peu tous dans le même truc. Mais calmez-vous! Mais calmez-vous! C'est nous! Tout à fait. Vous êtes. Je vais me faire, s'il te plaît, un test. Ça va être de faconde. Faconde. Faconde. Et on peut pas l'aider, enfin on peut pas lui donner un coup de main parce qu'on est quand même là, on n'est pas inactif non plus. Bah, tu vous faites les tests de faconde, si vous voulez la rassurer aussi. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, 7. Attends, faconde, j'ai quoi, ça fait 15. Donc ça fait 8. Ok. Et Corninov, est-ce que tu interviens ou pas? On s'en fout. Non, moi je ne soutiens pas l'effort de mes collègues. Très bien. Gifle. Il y a pas de souci. Mais est-ce que je peux préciser cependant que la raison pour laquelle je ne fais pas, c'est parce que je me prépare à tout simplement l'être plaqué au mur si ça ne marche pas. Genre, c'est-à-dire que je me prépare. Okay. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc, je regarde avec les deux jets cumulés. Pas de chance. Vous voyez que bon, Esther, pas toujours, tu fais excusez, enfin c'est nous, tout ce que tu m'as dit, etc. Ouais, voilà. Et, pareil, tu es soutenu hein, par Victor qui va dire non, mais tout va bien, tout va bien. Calmez-vous, il n'y a pas de souci. Vous êtes en sécurité, c'est nous. Et tu vois qu'elle a un petit déclic de quelques secondes dans lequel tu la vois hésiter, mais. Sa panique dans son regard, ouais, panique. Bien sûr, elle est en crise de panique, c'est normal, elle ne dit pas rien. Exactement. Et bon, du coup, elle arrête de courir, mais malgré tout, elle reste. Alors, tu sais, moi, je sais pas que Cornelia va approcher de la blesser, donc je la regarde juste. En fait, j'ai presque plus peur tu vois, de qu'elle, dans sa panique, elle se mette à trébucher et se fasse mal ou quoi que ce soit d'autre. Tout à fait. Elle est, en tout cas, là pour un peu se recroqueviller sur elle, tu vois qu'elle est toujours paniquée, mais semble en même temps avoir déjà arrêté sa course. Ok. Oui. Je vais ouvrir la porte de notre QG et je vais lui dire vous pouvez entrer si vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Fais-moi quand même un petit test de faconde. Vous êtes le bienvenu. Non, ils vont me tuer. Hein. Putain, connasse, c'est toi qui es venu chez nous. T'as pas vu. 10. T'as rien fait. Ou alors on l'a laissé là. Ou alors c'est notre postier qui est relativement vénère aujourd'hui. Bon, il a fait 10. Tu vois que tu ouvres la porte et tu l'invites à rentrer. Et en fait, ça va être rassuré. Elle a toujours cette panique dans le regard, mais commence à remonter les marches, frôlant d'ailleurs totalement le mur hein, pour atteindre la porte et va tout simplement se réfugier à l'intérieur. Elle rentre à peine, elle se met dans un petit coin tout caché. Très bien, que faites-vous? Elle est voilà à l'intérieur. Il fallait lui ouvrir la porte. Je prends les plaques de cuivre et je les rentre. Tu prends les plaques de cuivre, il y en a à peu près 6 ou 7 dans le lot. Moi je l'ai. Moi je vais... on doit avoir le disque avec nous, non? Mm-hmm. Et on doit toujours avoir de quoi le lire, ce disque de musique. Tout à fait, vous avez toujours effectivement, parce qu'il n'y a pas de raison que ça change, l'énorme boîte hein, que vous avez eue dans les archives avec le contenu, et vous avez, il me semble, de la part d'Hugo qui avait été partagé. Ah non, il avait été acheté, bah, tout simplement un phonographe qui va permettre de lire. Et du coup, je vais prendre ce disque, et comme disait très bien mon oncle Alberto, la musique adoucit les mœurs. Donc, je me dis que une petite musique, disons tranquille, va peut-être la calmer et la rassurer, disons. Ok. Fais-moi un petit test sans compétence, juste pour voir si vous avez une petite musique déjà de base dans votre QG ou si c'est un quelque chose que vous n'avez pas pensé à ménager. J'ai fait 9. Ouais, allez. C'est très bien en plus avec juste des dés. Donc effectivement, vous avez eu pris l'habitude de ramener chacun un peu de disque personnel pour vous écouter de la musique, donc il n'y a pas de souci. Elle est pas censée le savoir. Et du coup, bah tu mets un disque musical quelconque. D'accord. Un truc plutôt calme qui est censé quand même adoucir l'ambiance. C'est ça. Voilà. Un petit adagio. On est à Venise, alors... Adagio. Ok. On va dire que la musique est jouée. Voilà. Et du coup, je reviens à ma question. Que faites-vous pour le reste? Moi, j'ai mangé les disques. Du coup, je peux pas écouter les disques si on met de la musique. Ah oui, vous avez qu'un seul... Bon, dans ce cas-là, pendant quelques temps, je vais laisser les autres lui parler avec la musique. J'imagine que c'est plutôt notre priorité actuellement. Je pourrais les écouter dans une heure ou deux, c'est pas très grave. Oui, il n'y a pas de douche au QG. Il n'y a pas de meubles, mis à part les trois qu'on a achetés. Alors, effectivement, il n'y a pas de meubles de base. C'est jamais sur malentendu. Y a... Mais après, il y a quand même le minimum vital. Donc, même s'il n'y a pas une douche au sens... du terme, il y a de quoi par contre faire ta toilette. Ok. Bon, mais j'imagine que si j'ai vraiment mal au pied, en effet, je vais passer un petit peu vite fait dans l'eau fraîche. Okay. Et puis je vais rejoindre les autres en bas. Assez rapidement, hein. Je passe pas une demi-heure non plus. Oui, oui. Pour procéder à l'interrogatoire. Malgré tout, je pense que vu qu'elle s'est visiblement fait agresser, le mieux c'est pas qu'on se mette tous à la coller, donc je vais rester un petit peu en retrait. Et je vais plutôt avoir une stature passive. Si j'ai des choses à dire, je vais participer à la conversation, mais je vais éviter qu'on soit trop en même temps à la surmonie de questions. Pas forcément la meilleure méthode à employer d'après nos cours. Bon, il faut laisser laisser respirer. La pression retomber. Et ouais. Je vais également fermer la porte à clé pour donner peut-être. Non, mais c'est. Oui, non, oui. Dans ce cas-là, j'imagine que ça peut avoir l'air rassurant de se retrouver entre des murs fermés et des gens en qui on a confiance. J'imagine. Ouais, pendant ce temps-là, moi, je vais. Peut-être faire du café ou du thé pour ceux qui veulent et je vais lui proposer si elle veut boire quelque chose. Ça existe encore ça? De quoi? Alors une boisson? Une boisson, il doit quand même boire des boissons quand même. Le café, je ne crois pas du moins pas. Une infusion quelconque? Mais tu vois, il existe quand même quelques boissons, quelques trucs qui poussent grâce aux serres sur les toits. Ben voilà, genre un truc, une boisson chaude à base d'herbes séchées. Et du coup, je vais lui proposer si elle veut en boire une pour parce qu'elle a l'air quand même d'avoir passé un sale moment, hein, vu de la façon dont on l'a retrouvée. Donc peut-être ça fait toujours du bien de boire une boisson chaude. Effectivement. Alors. Elle ne répond pas directement, mais va juste faire un petit nom de la tête. Non. Sinon, les autres, vous voulez boire un truc? Ouais, fais-moi un peu. Et toi, Esther? C'est grave, c'est gentil. Bah, je vais faire pour Kornilov et moi. Très très bien. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous entamez une conversation? Est-ce que vous la laissez dans son coin? On la laisse dans un coin, on va faire notre boulot. Pour l'instant, je suis dans la cuisine, moi. Donc il y a toi, déjà, Kornilov. Si personne lui parle vraiment, je m'imagine qu'on va commencer par lui demander comment elle va. C'est un peu bête comme question, mais... On l'invite à s'asseoir sur notre seul canapé. Et nous, oui, voilà. Oui. Okay. Oui, qu'effectivement, elle s'assoit sur le canapé et répond pas forcément. Enfin, elle répond aux questions, mais comme elle peut, c'est-à-dire pour l'instant avec juste des signes de tête et de main, mais elle semble muette pour l'instant. Ok. Maintenant, en tout cas, que vous la voyez un peu mieux, vous voyez effectivement que son visage est vraiment rempli de bleu, quasiment déformé hein, vis-à-vis de ce que vous en souvenez. Vous ne voyez pas l'état du reste de son corps qui est sous les énormes manteaux qu'elle porte. Hein, toujours cette tenue très proche de ce qu'on peut trouver sur les traverses plutôt que la ville. Mais vous vous doutez que ça ne doit pas être non plus beau à voir vu l'état du peu que vous pouvez voir. Tout est fini maintenant. Vous êtes en sécurité. Toi, qu'elle hoche un peu la tête. On peut la retrouver, vous savez. Okay. Jette un regard à Kornilov pour voir ce qu'il a l'air d'en penser. Je réponds à ce regard. En me tournant vers elle, tout simplement, et, vers Sophia, pas vers. Ah, oui. Esther. Mm-hmm. C'est Esther, hein. Je ne suis pas trop en personnage. Oui, oui, c'était Esther. Esther ouais. Je sais pas pourquoi j'ai des flashs de mutant à des zéros. Oula. Et bref. En me tournant donc vers Sophia, en lui disant faites comme chez vous, reposez-vous si vous voulez sur le canapé. Mes collègues vont travailler sur autre chose en attendant. Tu vois qu'elle te rend un sourire et à ces mots, elle s'affale un peu sur le canapé. Sans être totalement allongée, elle s'y détend un peu plus. Je vais vaquer des affaires qui permettent que je reste quand même un peu dans la pièce ou que je fasse des allers-retours dans cette pièce ou pas. Ok. Tiens, Kornilov, ta boisson. Merci. On n'a même pas un plaid ou un truc. Si, vous avez quand même quelques affaires vraiment de survie, parce que vous le savez, hein, on vous a prévenu, mais durant des fois des longues enquêtes, etc., c'est assez commun que des gens restent dans leur salle commune, tu sais, quelques jours, le temps de résoudre une affaire particulièrement compliquée. Et quand ça arrive, bah du coup, forcément, vous avez prévu de quoi dormir de manière très sommaire, mais de quoi dormir, de quoi manger, de quoi... C'est pour ça que vous avez quelques boissons, quelques trucs comme ça. Dans je vais dormir, dans ce cas-là, je lui passe un plaid ou un oreiller, un truc, et puis après, pareil, je vais m'occuper des affaires en cours. Si au bout d'un moment, le premier disque, celui qu'on avait passé pour la musique, s'arrête, j'en profite pour écouter assez rapidement les 2-3 enquêtes qu'on nous avait données à faire avec le son un petit peu plus bas pour pas que... Les enquêtes, c'est pas sûr. Puis, hein. C'est sur disque. Non, c'est des disques ou c'est alors, des ça, plaques ça dépend de quoi tu parles. Tu parles des plaques qu'on a reçues. Ouais, ça c'est des plaques, c'est ça se lit pas, enfin justement ça se lit, ça ne s'écoute pas. Ah bah du coup je m'en fous, bah du coup je le lis en écoutant la musique. Ok. Bah je vais venir à côté de toi. Excuse-moi, je pensais que c'était des... Non mais y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Les disques qui sont dans le gros dossier vis-à-vis de votre enquête en cours. Il y a deux disques phonographes à écouter. Et bien entendu, vous aurez ces plaques dès que tout ira bien. Excusez-moi, c'est juste j'ai un petit souci de rendu et en fait, ça prendrait 6 heures. Mais en tout cas, vous pouvez lire ces petites plaques que je vais upload d'une seconde à l'autre. En tout cas, la première est déjà prête dans le serveur écrit, bien entendu. En dessous du QG Indigo, il y a un son qui s'appelle plaque de mission secondaire. Et ça va apparaître d'une seconde à l'autre. Excusez-moi pour ce petit temps mort, du coup. On peut faire autre chose en attendant. Si je vais faire une scène, allez-y. Je suis en train de me perdre. Oui, c'est bon. En tout cas, je vais sûrement vous les lire, comme ça, ça sera plus rapide, ressources. Ah, Et sinon, en oui, ce qui concernait, parce que du coup, j'ai pas tout à fait saisi l'histoire du. Quand on a été au QG, et... enfin, pas au QG, mais au. Chez nous, enfin, dans le quartier général de ouais. Voilà. Le gars, il nous a donné quoi en fait? Parce qu'il nous a tendu une boîte, mais la oui, boîte. C'est... Oui. Alors, bah, tu peux regarder en détail, c'est pour ça que je vous avais demandé. Mais du coup, c'est une énorme boîte de cuivre. Et dedans, en fait, il y a 4 plaques de cuivre et 2 disques phonographiques. D'accord. Et c'est les 4 plaques que tu veux lire, Esther, ou c'est les plaques non. qui étaient posées devant la porte de non, chez nous? Non, c'est les missions secondaires que je lis. D'accord, ok. Bah du coup, moi, pendant que tu fais les missions secondaires, je vais regarder les plaques qu'il y avait dans la boîte. Alors, tout à fait... ah bah oui, histoire de bien t'embêter, quand même. Bon. On va faire un truc, je les reploaderai entre deux sessions, mais on va faire la version plus rapide. Je suis désolé, du coup, c'est un peu moins joli, mais ce sera... On n'aura pas les plaques dédiées à chaque enquête. Comme ça. Si, si, mais uploader en screen plutôt que ce soit le vrai fichier. Parce que j'ai un problème avec mon Photoshop, j'ai fait la mise à jour, j'aurais pas dû. Hop, quelle horreur. Voilà. Du coup, vous avez... c'est ça, 7 plaques, donc. Déjà deux. Mais c'est horrible, c'est super flou. Enfin, pas l'image, hein. Je veux dire les ordres de mission. Oui. C'est horriblement super flou. Oui, c'est vraiment. Donc. On a un nom. Mais c'est quoi? Moi, je dirais même, c'est pas flou, c'est louche. Ah. KM le louche, c'est son nom? Ouais, mais où il faut arrêter KM le louche? De d'où il sort celui-là? On sait pas. Et cargaison de planches végétales en attente aux portes de la ville, besoin d'escorte pour remonter. Ok. Bon, ça, à la limite, ça reste. Ça reste compréhensible. Mais autant la troisième. Là, okay. Déjà, on a un ouf. Où, tu vois, c'est important le où. C'est intéressant dans une immense ville à plusieurs étages. Alors, vous savez que les plaques sont toujours... elles ont été déjà comme ça depuis le départ. Ouais, hein. Vous avez plus la première vague, mais elles ont toujours été comme ça. En fait, la plupart du temps, faut chercher un métropolite, en fait, qui est un peu à l'origine de ça, qui va vous expliquer, ou soit certaines plaques, en fait, se suffisent à elles-mêmes. Typiquement... Vous le savez, mais quand il y a marqué arrêtez telle personne, en fait, c'est qu'ils ne savent pas où il est. Et en gros, il vous dit juste allez le trouver et arrêtez-le. Ok, ouais, avec rien, avec zéro indice, quoi. Réunion les 15 de chaque lune, rendez-vous en tepo. Ils se foutent de notre gueule en plus. En tepo? Mais entre potes, en fait, c'est ça? En tepo. Ça doit être ça, ouais. Bon, c'est une. Ah, ce Photoshop, hein, il nous fait des blagues. Il enlève les métropolites à faire des petites fêtes. Une ouverture d'une succursale du ministère pour par exemple besoin de service. Payer un salaire. Ouais. Il faut qu'on loue. Non, c'est bon, j'ai vraiment pas compris. Oh. Le dernier, il est intéressant. Rue Sissio. Besoin de parler. Attends, est-ce qu'on a quelqu'un dans une rue Sissio par le passé? Il est où notre bar, Esther? Attends. Attends, notre bar? Non, c'est la taverne du hurleur, déjà le nôtre, donc ça serait pas appelé comme ça. Non. Oui, c'est ça, c'est le hurleur. J'avoue que le dernier est intriguant. Besoin de parler, ouais. S'il fallait qu'on paye, ou si on était payé un salaire de plus pour une mission. C'est, voilà, vous êtes payé un salaire pour aider... Ok, pour aider à l'ouverture d'une nouvelle salle. Okay. Alors, on est bien d'accord que toutes ces plaques qui nous sont données viennent de la maison. De la maison, viennent de personnes internes. Voilà, vraiment, mais donc ça veut dire que la dernière, c'est quelqu'un qui nous connaît, qui a besoin de nous parler. Alors, pas forcément, vous savez que ces plaques-là ne sont pas toujours visées, des fois ils le donnent à plein de personnes. C'est un mec qui cherche un psy. Non, voilà. Vous n'êtes pas forcément visé. Les plaques ne visent pas forcément les gens. Il y a beaucoup de plaques qui sont construites un peu en série, qui balancent à plein de petits groupes métropolites pour aider à un service. Ou des fois, vous êtes visé en mode bon, on va envoyer eux. Mais ça ne veut pas dire forcément du coup que c'est vous. C'est juste ça a été choisi sur une aléatoire. La première m'intéresse pas du tout. Laquelle ? La première m'intéresse pas du tout. La deuxième non plus. La troisième et la quatrième, je les trouve plus intéressantes déjà. La cinquième, après, c'est... La ce sont quand même des. Pourquoi pas ? Et la septième est plutôt cool aussi. Ouais. Ce sont toujours des par rapport à ça, mes collègues, savoir si nos avis sont. Est-ce qu'il y en a ? On va faire ça vite. Est-ce qu'il y en a certaines que vous voulez qu'on leur renvoie pour qu'ils aient l'occasion de les faire fondre et de continuer à faire fonctionner la bureaucratie ? Je vois que les deux premières, je les trouve pas très stimulantes. Ça leur ressemble vachement. On a le droit de faire ça, hein ? Monsieur le MJ, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on prend pas les affaires, il vaut bien que ce soit recyclé. Alors oui, je suis d'accord sur le papier, mais il y a toujours quand même la question. Bon, désolé, je bug en même temps en parlant parce que je suis en train de faire un autre truc en même temps. Mais il y a quand même la question que ce sont des plaques de mission. Ça reste des documents officieux. Donc ils attendent à ce qu'on les fasse tous. Alors du moins dans leur vision de comment est censé marcher le ministère, oui, pour eux, quand tu reçois une plaque, t'es censé la faire. Comment tu veux recycler les trucs quand il y a des. Après, ce sont des missions secondaires. Voilà, quand elles sont en plaque, effectivement, quand elles sont en plaque, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'elles n'ont pas une urgence importante, et que du coup, si tu l'as fait dans une lune, ils vont pas t'engueuler. Mais ils considèrent juste que, à un moment, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, et donc du coup, ils. Les gars, ce sont des quêtes secondaires. On n'est pas obligé de les faire. Pensez à un jeu. Alors non, ça ne marche pas comme ça non plus. Il faut faire du zèle. Ouais, ça, faire une ou deux, ça pourrait être intéressant. Voilà, pour, l'instant, on a quelqu'un sur le canapé et on a aussi l'affaire. Je sais pas si on a le temps pour l'instant. Bah, je pense que notre affaire est d'autant plus importante qu'il y a un mort et il y a un meurtrier qui se balade. Elle est encore chaude. Si on faisait autre chose, ça nous pourrait nous faire perdre, nous passer devant certains éléments. Je propose en effet qu'on démarre les prochaines affaires en même temps que notre future affaire principale. Oh merde. Ou alors à la fin de celle-ci, si à bout d'un moment on souhaite, je sais pas, pendant quelques jours, faire autre chose. Par contre, contrairement à ce que tu pensais, Esther, je pense que peut-être dans notre enquête, il est possible qu'on soit amené peut-être à aller dans le quartier du Glyphe, puisque du coup, ça peut. Peut-être nous ouvrir des informations indirectement sur notre enquête. Je suis d'accord. Mais pour l'instant, là, tout de suite, maintenant, pour moi, c'est pas une priorité. Oui, c'est sûr. Mais voilà. Partir maintenant sur autre chose. Du coup, moi, je regarde, comme je te disais, je regardais les plaques qu'il y avait dans la boîte. Et il y a quatre plaques que tu peux voir, du coup, dans le salon Écrim, en dessous de Kijanigo, le salon enquête. Ah, oh là, d'accord. J'avais pas vu. Alors, est mort le 4 de sanguine 11128. Avant ça, qui décide du coup de s'occuper de ces plaques là? Ben moi, je vais m'en occuper puisque c'est moi qui les lis. Oui, vous pouvez lire à plusieurs. Après, est-ce que il serait possible, je sais que vous pouvez tous les lire, mais dans un souci de que les gens qui vont écouter vont pas savoir forcément ce qui est écrit dessus, puisque voilà, si je les lis, oui. Ça vous dérange pas? Tu peux les lire. Ok, donc c'est le rapport. Du coup, vous commencez par les plaques. Bah là, elle dort, la Miss, donc, enfin, je sais pas. Vous en pensez quoi? Ouais. Ok, donc c'est un rapport du 15-2 sanguine 1128, de l'année 1128. Et l'enquêteur était donc Antonio Pini. Alors, Nicolas Horton est mort le 4-2 sanguine 1128, tué d'une balle dans le cœur, mort sur le coup. C'est une balle d'un mousquet. La scène de crime est à l'intérieur de la maison de la victime, aucune trace d'effraction. Seul un bougeoir était allumé. Sur le torse de la victime se trouve un dessin, voire le dossier. Il n'y a pas eu de témoin. Et d'après l'enquête, Ricardo Federa est le seul potentiel suspect à avoir pu assassiner la victime. Son mobile est une forte somme d'argent empruntée à la victime. Ensuite, nous avons un rapport du 23-2 sanguin, toujours de la même année, de 1128. Enquêteur, toujours Antonio Pini. Paige Frost est morte assassinée le 22 sanguin de l'année 1128, une balle dans la poitrine. Ce qui corrobore un petit peu, enfin qui est proche de ce qu'on a eu avant. Même dessin présent, bougeoir encore allumé. Visiblement, les deux meurtres sont liés. Les enquêtes seront menées séparément pour le moment. Cela peut être une copie par quelqu'un avant. Ayant entendu l'affaire Horton. Aucune trace d'effraction, aucun témoin. La victime était en voyage d'affaires. Il n'y a pas de suspect. Alors, le troisième rapport est donc le 11-1 Rouille, toujours de la même année, 1128. L'enquêteur, donc ce sont des enquêteurs, Antonio Pini et Greta Ignaz. Bel et Roberts a été assassiné le 24 de sanguine 1128, mort d'une balle dans la tête, bougeoir allumé à notre arrivée, même dessin que les quatre précédents meurtres liés à Il Procedimento. Toutes les victimes se sont connues, c'est le seul point commun. Aucun témoin, pas de suspect en vue, d'Il Procedimento. Ils furent 5 à savoir à surveiller. Et donc le dernier, le rapport du 1-1 Rouille 1130, de l'année 1130, enquêteur Béatrix Taifer, Teana Fotinelis est la 12e victime d'Il Procedimento. Même procédé que pour les 11 précédents meurtres qui lui sont attribués. L'enquête va être clôturée, pas de coupable. Tous ceux suspectés d'être Il Procedimento ont à un moment ou à un autre réussi à se dégager de tout soupçon. Priez pour qu'ils ne reviennent jamais. C'était il y a un an. Donc là, nous avons affaire, malgré tout, à quelque chose qui s'apparente à un tueur en série. Qu'on le veuille ou non. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un bougeoir qui était allumé sur la scène de crime ? Je me souviens seulement de la musique. Je n'ai pas ce souvenir-là pour ma part. Et toi, Esther ? Moi non plus, en effet. C'est tout le temps un bougeoir, on est d'accord dans ce qu'on vient d'être. Il me semble pas avoir entendu une variance. En non. Tout cas, des fois, c'est pas... Par contre, ça colle avec la balle, puisqu'il a été tué, je ne sais pas, puisque oui. Je pense ne pas avoir réussi à déterminer la mort exacte, mais il aurait reçu une balle. Il a reçu une balle qui peut être la cause de la mort. Autre chose intéressante avec ces plaques-là, mis à part la dernière, je crois, oui, toutes ont été faites seulement ou en coopération, mais avec Antonio Pini, donc l'enquêteur. Si on arrive à le retrouver, ce serait peut-être intéressant de discuter avec lui. C'est vrai. Et à voir aussi si certaines. Je vois pas, il n'y a pas d'histoire de bougeoir avec la dernière scie. Oui. En fait, c'est le même procédé que toutes les autres, oui. En fait. En effet, est-ce qu'on a souvenir de l'histoire du bougeoir, nous ? Moi, j'en ai pas vu. Non, je veux dire, en y repensant, nous, MJ. Tu peux faire un jet, là, si tu veux. Mais je pense qu'on n'avait pas trouvé de bougeoir. J'ai rien noté là-dessus, moi. Ouais, moi non plus, il me semble pas, mais bon. Sur un malentendu. C'est un jet de quoi ? Traumatologie. 7. Je pense que même si on avait un jet de... Écoute, je vais tenter, hein. Traumatologie. Là, je vais faire ce moi aussi, écoute, plus qu'on est. Eh bien non. C'est pas la peine que je te donne le score. Six. Aucun d'entre vous est capable de se souvenir si oui ou non il y avait une histoire de bougeoir ou pas. Bon, après, c'est fair play puisque je pense qu'on n'avait pas trouvé la dernière fois. Bon, si vous voulez mon avis seulement, c'est que quand on avait entendu parler de ces histoires de tueurs en série et tout ça, on n'avait jamais entendu parler de bougeoir. Mm. Donc, c'est peut-être un élément d'enquête qui n'a pas été communiqué publiquement. Par contre, contrairement à tout ce qui a été dit ou fait, on n'a pas eu de dessin sur la scène de crime. Là, la seule chose qu'on a eu, c'est lui ou... Enfin, on lui a écrit dessus. Sur ouais, sa... c'est ce qui a été dit un moment, non, dans les... Si, si, ils ont retrouvé un dessin dans les rapports, ils parlent d'un dessin sur le torse se trouve un dessin, mais c'est quand tu dis sur le torse, c'est gravé ou c'est un dessin posé, genre une feuille posée, enfin pas une feuille, non, je suis con, mais il n'y en a pas, mais c'est quelque chose qui a été dessiné, gravé sur le sur la peau, MJ ? Tu peux supposer que c'est effectivement ça. Ah, bon, bah alors dans ce cas-là, je retire ce que j'ai dit. Donc ça colle, c'est aussi un point commun avec le meurtre, avec notre victime. Parce que lui aussi avait... Le bougeoir ne colle pas, et ça n'a pas l'air d'avoir été communiqué, donc c'est peut-être un copieur. Ou alors, on ne l'a pas vu. Oui, ou alors le bougeoir a été soit déplacé, soit avant notre arrivée. Parce que c'est Maria qui a trouvé le corps. Oui. Donc ouais, ils ont tout bougé maintenant vu qu'on a envoyé les gens nettoyer. C'est quoi exactement la durée? Est-ce que je peux faire 2-3 calculs pour voir quelle est la durée moyenne entre chaque meurtre? Tu peux juste calculer la moyenne entre les plaques. Entre ces quatre-là, du coup. La dernière est très longue. Il y en a... Après, il y a eu 12 meurtres, c'est ça? Vu qu'il y en a eu 12, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Parce que si jamais il en faisait un tous les deux mois, puis que ça fait un an qu'il a rien fait, que là, en effet, tu vois, ça peut donner la thèse d'un copieur. Quoi. Valider la thèse d'un copieur. Il y en a 4 et... À chaque fois, deux sont dans le même, je ne sais plus quel est le terme. Il faut que je vérifie mes notes. Oui. Il y en a deux en, en sanguine et deux en oui teinte. Merci. Teinte. En tout cas, tu sais que les deux premiers sont vachement rapprochés, que la troisième, il te parle des quatre précédents, donc tu sais que ce n'est pas une suite directe, mais qu'elle se passe en rouille sur 28, donc c'est. Tu peux compter une lune après la deuxième, et la dernière par contre tout en rouille 130, donc tu comptes 2 ans par rapport à la troisième. Sachant que, je rappelle que dans vos dossiers, vous avez eu 4 plaques et 2 disponographies, j'aimerais savoir où vous allez les mettre dans votre QG, parce que c'est important. Est-ce que vous avez un endroit parce que vous voulez les mettre, vous avez on a des archives chez nous au dernier étage, au 8e. Ouais, on avait effectivement indiqué que vous avez même eu acheté quelques casiers pour les mettre. Donc c'est à notre dernier étage, c'est la salle des archives. À savoir, est-ce que on met tout dans les archives ou alors on met ça à l'étage au-dessus, parce que c'est l'étage du dessus, c'est un peu la salle où on a les enquêtes en cours, peut-être où on discute de tout ça. Ou alors on met ça aux archives et à chaque fois on va aller devoir monter au 8e, on va descendre si on a besoin. Il y a pas tout... On ne sait pas. Pas tout... Vous réfléchirez à la question de où vous allez ranger ces dossiers-là plus tard. Bah après, sinon il y a les disques à écouter aussi. Ça peut compléter. On peut les poser sur le bureau en attendant. Hein. On a les bureaux au deuxième étage. Oui, au 7e, ouais. Du coup, au 7e, je veux dire, notre deuxième étage. Ah oui, il n'y a pas de souci. Quand vous pouvez parler au deuxième étage. C'est juste. Bah, du coup, on peut écouter les disques et voir ce qu'ils vont nous donner comme info supplémentaire. En attendant, j'aimerais bien parler au moins rapidement à Sophia, voir, enfin, pas forcément lui parler, mais essayer de voir si elle a l'air d'être plus apte justement à entrer dans une conversation. Si jamais c'est pas le cas, je veux même pas forcer le truc et je repars voir les autres. Tu vas la voir et tu vois qu'elle est plus ou moins en train de se reposer sans réellement se reposer. Elle est toujours consciente, mais elle se laisse un peu sans mettre des émotions, ce qui était le but. Je vais pas la réveiller ou l'empêcher de s'endormir si jamais. Okay. Tu vois que malgré tout, son regard devient moins effrayé. Elle commence à se rassurer et à reprendre un peu ses esprits. Donc tu sais que d'ici temps, vous pourrez, tu penses, avoir une conversation habituelle. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez écouter? Est-ce que vous voulez partir sur autre chose? Dites-moi tout. Vous êtes un peu maître de votre destin. Je pense que dans la continuité de ce qu'on a fait, ce serait logique qu'on écoute les disques. Enfin... Vous allez chercher du coup votre gramophone et vous allez du coup le monter en haut pour pouvoir l'écouter. Non, on va écouter les détails des meurtres pendant qu'elle est à côté sur le canapé. Ah. Remets-toi tes émotions, tout va bien. Regarde, y a pire. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ce sont les affaires de Il Procedimento? Du coup, c'est le nom qu'ils lui ont donné, quelque part. Effectivement, parce que de toute façon, sur le disque phonographique, en son centre, vous savez que c'est généralement là où ils sont écrits les titres, ce genre de choses. Et le premier disque contient... tout simplement en nom, ouverture de l'enquête Il Procedimento. Le deuxième disque contient clôture de l'enquête. Allons-y. Hein. Commençons par le premier. Très bien. Commencez par le premier. Oh, excusez-moi. Yep. Alors, vous allez du coup mettre le disque tout simplement sur votre gramophone et écouter la voix qui va en sortir. Métropolite fédéral Antonio Pini, cellule d'investigation du ministère de la Propagande de Venise. Ouverture de l'enquête et le procedimento, le 4-2 sanguine 1128, fut retrouvé mort Nicolas Horton. Une balle dans le cœur. Un dessin a été retrouvé sur son corps. Le principal suspect était Ricardo Federa. Cependant, alors que ce dernier était sous surveillance en attendant son jugement, un second meurtre fut retrouvé, le 22 sanguine 1128. Elle est retrouvée morte d'une balle dans la poitrine Paige Frost, une Gloria naine. Femme de pouvoir en visite démocratique, cette mort était un coup dur pour les doges de Venise, qui ont alors fait appel à nos services lors de la découverte de la troisième victime, Abby Creed, originaire de Gloriana, elle aussi, en visite à Venise, morte le 22-2 sanguine 1128. Chacun des morts portait le même dessin. Pour sûr, maintenant nous avons affaire à un tueur en série. La ferme a été transférée, aujourd'hui le 23-2 sanguine 1128, à l'heure où je parle dans ce phonographe. Nous venons d'apprendre la découverte d'une quatrième victime. Non seulement c'est un tueur en série, mais il semblerait qu'il y ait pris goût. Chaque nuit va devenir un véritable cauchemar si ça continue sur cette lancée. Je vais me rendre dans les lieux du crime. Je ferai rapport phonographique quand il sera nécessaire. Terminé. Ils ont mentionné les dessins. Quoi alors ? Ça a mentionné les deux premières victimes qu'on avait sur les plaques, non ? Ça ? Et la troisième, c'était Abby Creed, c'est ça ? Celle-là n'était pas sur les plaques. Ouais. Il me semble pas, non. Ça doit être en même temps, on a 4 plaques et a priori, on a au moins 11 victimes. 11 victimes. Évidemment, on n'a pas en plaque. Donc, a priori, Abby Creed, du coup, c'était la troisième, c'est ça? Du coup, nous, on a la première, la deuxième et la quatrième, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, on a du coup les 4 premières victimes avec Abby Creed. Je suis pas sûr sur les premières. La 1, la 2 et la 3, voilà, on les a, celles-là. Abby Creed était la troisième. Dans tous les cas, ça a mentionné les dessins, donc ça c'était évident. Par contre, la deuxième avait l'air d'être assez haut placée, puisque elle avait l'air d'être. Ouais. Elle faisait quoi elle exactement? On remet le CD. Vous remettez le CD, y a pas de souci. Donc, par rapport à la deuxième, Paige Frost, une gloriennienne, femme de pouvoir en visite démocratique, cette mort est un coup dur pour les doges de Venise qui alors font appel à nos services lors de la découverte de cette troisième victime, Abby Creed. Paige Frost. Donc, elle avait un rapport avec les doges de Venise. C'est bizarre pour un tueur en série, non, de s'en prendre à quelqu'un d'aussi haut placé. Il préfère pas les petites gens dont on s'occupe pas trop, des cibles faciles, non? Ça dépend. Ça dépend de ce que les victimes représentent pour lui. Bah, Ok. après, on sait pas trop qui sont les gens en fait. Parce que là, on a Nicolas Sorton, on sait pas qui il est. On a juste un nom, on sait pas qui il est. Paige Frost, bah, là, du coup, on a une idée parce que elle a un rapport avec les Doges de Venise. Mais les autres, que ce soit Bailey Roberts, tout ça, Mais on sait pas du tout qui ils sont Fauteuil. vraiment, quoi. On connaît pas leurs occupations. Voilà. A priori, c'est plus des artistes, vu que c'est le dossier qu'on a. Enfin, c'est ce qu'on lui a demandé à la femme, c'est ça? À la femme des archives. Oh, je peux elle a donné le dossier au moment où vous avez indiqué tout simplement le dessin. Oui, mais nous, on sait que cette légende, c'est celle du Oui. quartier des Glyphes. Du coup, donc ça n'a pas forcément un rapport avec des artistes. C'est juste des gens et qui ont en pour point commun le fameux dessin sur la poitrine. Et d'être pour la plupart dans le quartier du Glyphes. Même si c'est pas noté sur les notes, c'est que ça se passe là-bas. Bah du coup, je vous propose qu'on mette le deuxième. On aura peut-être un peu plus d'infos. Très bien. Vous allez donc mettre le deuxième disque. Vous changez de disque, vous branchez le gramophone comme d'habitude, et vous le faites jouer. Cette fois, c'est une voix de femme qui sort du gramophone. Béatrix Steifer, métropolite. Clôture de l'affaire Il Procedimento. Nous sommes le 1 Rouille 1130. Je suis en charge de l'enquête depuis le 16-2 Sanguine 1129. Avec pour rappel, comme indiqué sur le disque 16, la mort de Maricia Pini et de son enfant Eduardo Pini. À l'heure actuelle, le tueur surnommé par Antonio Pini El Procedimento n'agit plus depuis deux teintes. Aucune trace n'a été retrouvée. Nous sommes dans l'incapacité de trouver un coupable. Il Procedimento sait. Il ne laisse rien au hasard et... Ceci est une recommandation personnelle. Si vous avez des ailes à brûler, oubliez cette affaire. Rangez-la. Le ministère est impuissant face à elle. Il Procedimento n'est pas n'importe qui. Outre sa capacité de ne laisser que ce qu'il souhaite derrière lui, pire, il sait qui enquête sur lui, et il agit. Il détruit petit à petit tout ce qui entoure l'enquêteur. Il est une menace massive. Je suis la troisième enquêtrice sur cette affaire, la troisième à abandonner. Laissez tomber. Ne soyez pas fous, laissez tomber. Votre vie ne mérite pas un tel supplice. El Procedimento n'est pas une énigme à résoudre, c'est un mystère. El Procedimento sait. Il Procedimento est le plus grand danger humain à ce jour. Fuyez cette affaire. Terminé. Ok. Donc clairement. C'est paradoxal que ces paroles créent chez moi l'effet exact inverse et opposé à ce qu'elle nous recommande. Par contre, elle a dit troisième enquêteur. On n'en a que deux, nous, non? Non, non, et enfin, on a aussi Greta Ignaz. Ok, d'accord, parfait. Ouais. Par contre, il lui arrivait quoi à Pini? Parce que j'ai entendu qu'il y a des gens morts, mais chez les Pini. Il a arrêté parce que sa femme s'est fait, son fils est mort. Sont morts. Par le monsieur. Ouais, ok, d'accord. Donc en gros, elle nous met en garde. Si on continue l'affaire, on risque d'avoir affaire à Il Procedimento. Ce qui me rappelle quelque chose, mes chers amis. Est-ce que vous vous souvenez que nos chefs avaient l'air de... Enfin, un de nos chefs avait l'air de d'avoir... comment dire... de ne pas... être très chaud pour qu'on nous balance là-dessus. Assez haut. Notre ouais. Vrai patron. Tu te rappelles, on avait surpris une conversation. Lors du bal? Oui, entre Oui. Monsieur Landini, Lors du un mec bal. qu'on ne connaît pas spécialement, Voilà. et le CO, notre supérieur qu'on connaît. Voilà. Et qui disait, mais vous êtes sûr de ce que vous faites? Donc en gros, il savait pertinemment qu'en nous balançant sur ça, peut-être qu'il pourrait nous arriver ce qui arrive aux enquêteurs qui ont enquêté sur cette affaire. Enfin, sur les affaires et le procedimento. De mon côté, j'ai pas vraiment de famille à tuer, alors. Ah. C'est triste. Non, au contraire. Et est-ce que Dans par ce le cas-là, plus non, grand mais des entre les hasards, deux. Non, est-ce je que vais laisser les personnes Sophia. auxquelles je tiens sont en sécurité, donc je Est-ce risque que rien à ce. ce niveau. Est-ce que Sophia n'aurait pas été en contact avec lui? J'y ai pensé, mais ça me paraît Non. un peu tôt pour qu'il le sache et qu'il remonte jusqu'à elle, surtout que finalement on n'y tient pas tant que ça, donc je pense que c'est plutôt Parle lié doucement quand même quand à même. l'affaire Parle d'Anna. doucement. Oui, non, évidemment. Oui. Mais, On tient pas. il a l'air. Enfin, quand on Je dis pas écoute. qu'il va pas la finir par la tuer, mais pas maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on entend bien, on a l'impression que ce fameux il procedimento a l'air d'être quelqu'un de ultra méthodique, Et qui a l'air informé d'avoir aussi. des coups d'avance sur nous, et que peut-être que c'est un message à notre. Elle avait l'air d'être perdue, ne pas savoir qu'est-ce qu'elle foutait là. Pense que c'est lui qui l'aurait déposé. Non, je... De toute façon, tu verras, d'ici 5-10 minutes, elle sera en état, on va lui Mais parler qu'est-ce qu'elle ferait et toute sa ici? théorie va Et s'envoler. pourquoi elle aurait peur d'être devant chez nous? En même temps, elle est jamais venue devant. Elle est Elle a eu jamais venue peur chez parce que nous. tu l'as secouée pendant Non, qu'elle était en train de c'est pas dormir ça, mais et qu'elle s'est faite tabasser avant. Mais comment elle a su qu'on était là? Elle est jamais venue chez nous. Sais pas, il suffit de demander. Bah, on n'est pas non plus super connu. Ou alors, si il Polo Celemento a à ce point-là un coup d'avance sur tout le monde, imaginez un individu tellement tordu et quelqu'un, je veux dire, qui de mieux placé pour ne laisser aucune trace que la personne elle-même chargée de récupérer les traces derrière elle? Non, c'est pas l'un d'entre nous. Non, pas l'un d'entre nous. Mais putain. D'ailleurs, Hugo n'est pas Non, mais là, je me non? disais, il y a eu beaucoup d'enquêteurs sur l'enquête. C'est un artiste. Non. À Métropolite, tu penses? Pourquoi pas? Ça lui donnerait plusieurs coups d'avance, il pourrait avoir accès au dossier de l'affaire, s'adapter en conséquence, connaître ses collègues. Si le gars est si bon que ça, alors je dis pas que c'est le cas, hein, mais je veux dire, je pense que si ce mec est si fort, enfin ce mec ou cette fille est si fort et a tant de coups d'avance, il faut qu'on soit prêt à tout. À toutes les éventualités. Je me dis, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un individu suffisamment tordu pour... Ouais, non. Ouais, quand tu vas chercher loin quand même, mais bon, on sait jamais. Je sais pas. Je trouve ça étonnant que n'importe qui arrive à faire autant de coups, certains aussi gros que ça, sans se faire choper. Je veux dire, Page Frost... Bon. Ben, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on essaie de voir avec Antonio Pini. Alors, il est fort probable qu'avec tout ce qui lui est arrivé, il puisse ne pas vouloir nous recevoir. Hein. S'il est fort possible. Hein. De peur qu'il lui arrive quelque chose. Il a plus rien Sinon, à perdre. il y a toujours Béatrix. Qu'on peut aller voir, la dernière à avoir enquêté. Je pense que Béatrix est moins intéressante. À mon avis, tout ce qu'elle va nous dire, c'est fuyez, fuyez, n'y allez pas. Vu comment elle avait l'air de parler dans le disque, ça peut être intéressant, évidemment, mais je pense pas que ce soit la priorité. Mais je pense personnellement que il faut qu'on réussisse quand même à essayer de trouver un point commun entre les victimes et savoir qui elles sont. Maintenant, il faudrait que nous fassions attention. Si, un petit peu comme ce que nous avions fait la dernière fois, si jamais c'est si dangereux de travailler sur lui et qu'il a toujours un coup d'avance, ce serait bien, par exemple, de faire rebaisser la tension, d'officiellement faire croire qu'on enquête sur un mauvais truc, Je veux dire, si... Je sais que ma théorie, pour l'instant, n'a pas vraiment de fondement solide. Et j'ai pas plus d'éléments que ça qui, pour l'instant, pourraient m'indiquer que cette personne pourrait faire partie éventuellement des métropolites. Mais si jamais c'est le cas, peut-être que ce serait bien de pas crier sur tous les toits qu'on enquête sur lui. Parce que ça se trouve, c'est comme ça que les autres se sont fait piéger. Bah, dans ce cas-là, on peut très bien, vu que tout s'est passé dans le quartier du Glyph, c'est ça ? C'est ça, MJ ? C'est ce qu'on pense. Il me semble, puisque il était surnommé le tueur du Glyph. Eh bien, on peut toujours partir sur... personne de la haute... attends. On peut toujours partir sur une des missions qui nous ont été proposées, qui se passe dans le quartier du Glyph. Mmh. Et prétendre faire cette mission et que... Au détour de certes, on puisse faire des petits crochets de temps à autre pour poser une question principale. Officiellement, nous ferons l'enquête sur l'invention non autorisée, par exemple. Mais officieusement, nous pourrons toujours enquêter sur notre. Autre qui est purement débile, mais je m'y connais pas trop bien. Ça dure combien de temps un bougeoir en moyenne? Cela dépend. Une petite bougie dure quelques heures. Une grosse bougie va durer plus longtemps. Et peut durer. Est-ce qu'un bougeoir, c'est le nom donné à une grosse bougie ? Le bougeoir, généralement, c'est ce qui tient, la bougie. Oui, d'accord. Ouais. Typiquement, dans votre passé, vous avez rencontré un bougeoir qui était en trident et qui avait trois bougies. Ça tient pas mal de temps. Mais après, voilà. Un bougeoir, ça peut tout et rien dire, ça peut être juste de quoi tenir une petite bougie pour la nuit, ou ça peut être vraiment quelque chose d'assez massif. Parce que s'il était encore allumé à chaque fois, c'est quand même le mec aussi a bien prévu son coup. Non ? C'est sa signature qu'on a. Oui, mais je veux dire qu'il soit encore allumé à chaque fois qu'on découvre le corps. Bah, ça dépend. Timing, il y a quand même un bon... Oui, si c'est allumé à chaque fois... C'est qu'il a fait le moment du meurtre, en sachant que dans peu de temps, quelqu'un est arrivé. Ouais. Mais si c'est une grosse bougie qui dure 5 heures allumée. En quasiment, on va dire, 12 itérations. A priori, alors si je dis pas de bêtises, désolé, je les ai pas tous dans la tête encore les rapports. Mais a priori, sur 12 itérations, il y a pas une seule fois où il s'est raté au niveau du bougeoir. Ouais. Ce qui veut dire qu'il est capable de savoir. En effet, avec relativement précision, combien de temps vont mettre les métropolites pour arriver, combien de temps, en effet, la première personne va découvrir le corps, etc. Ouais, et 5 heures, en vrai, c'est pas grand-chose pour découvrir quelqu'un qui est mort. Hein. Surtout à Venise, où les déplacements à pied sont assez longs, même si, heureusement, les métropolites ont accès à 2-3 éléments un peu plus... S'il étudie ses victimes et qu'il sait qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vient... à rencontre de à telle heure, par exemple, voilà, ça peut lui laisser le temps. Ah, mais dans ce cas-là, ça en ferait quand même un proche assez proche pour qu'on soit se rendu compte qu'il justement soit en lien avec ses victimes à chaque fois. Tu vois, c'est très difficile parce que d'enquêter sur toutes ces personnes, si au moins deux d'entre elles ou trois d'entre elles te remarquent et que, on va dire, leur entourage peuvent parler de toi, t'es tout de suite repéré par les métropolites. Ils vont justement chercher comme ça les points communs entre chaque victime. Quand est-ce que Maria elle a découvert le corps du gars ? Maria, c'était le soir même du meurtre, donc en gros la veille où on vous a appelé. Donc le soir même du meurtre, mais à la base elle n'était pas censée revenir. Elle avait oublié quelque chose. Non, à la base elle n'était pas censée revenir. Et je pense que ça vaudrait peut-être le coup. Même si c'est vrai qu'il faut retourner en bas, demander à Maria s'il y avait une bougie d'allumée quand elle est arrivée. Dans ce cas-là, on peut envoyer quelqu'un la chercher ou lui poser la question ou un message ou voilà, pour éviter de se faire. Oui, c'est sûr. Mais on a encore trop de trucs à faire au-dessus pour descendre. Mais je suis d'accord, la question se pose malgré tout. Parce que si par exemple il n'y avait rien eu, soit c'était il procedimento, mais il y a eu un imprévu. Et genre, Maria est venue perturber le protocole, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de peut-être mettre cette fameuse bougie. Soit, c'est pas lui. Enfin, ce serait pas il procedimento et qui est... Voilà. Quelqu'un, un copieur, oui. Peut-être... Je crois pas trop à l'idée du fait qu'il aurait été perturbé dans son travail, parce que même s'il n'a pas eu le temps, a priori de pas mettre le beau genre, il a eu le temps de mettre la musique. C'est vrai que c'est. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de musique dans les autres scènes. Ouais, dans les dossiers, il n'y a pas de musique. Pardon ? Il n'y a pas eu de dans musique les sur les scènes de crime des Il Procedimento. Oui. Est-ce que la musique aurait un rapport rien qu'au niveau des paroles avec les flammes ? Il aurait changé son système. Non, mais je ne sais pas, si jamais il avait prévu qu'on repère le corps que le lendemain, ça se trouve, c'est vraiment un hasard que la femme soit arrivée entre temps. Je sais pas. C'est étrange. Je sais que, bon, voilà, vous savez, on débute dans le métier et j'ai pas encore, j'imagine, tous les bons réflexes. Et peut-être qu'il y a une méthodologie évidente pour essayer de le repérer qui serait à mettre en œuvre actuellement, mais. Non, honnêtement, moi je pense que c'est peut-être quelque chose à creuser, mais peut-être que Maria aurait pu perturber le cérémonial de son truc et. Peut-être que il se met de la musique à chaque fois qu'il tue ses victimes et qu'il s'en va avec, et que là, pour le coup, elle est arrivée avant, il est parti, il n'a pas eu le temps de récupérer sa musique, puisqu'en plus, il n'y avait rien sur le disque que dalle. Le disque a l'air vieux ou pas ? Ah, il est neuf. Non, il est neuf, hein, il me semble. Il est neuf. En tout cas, si c'est un disque, c'est pas le même qu'il mettait à l'époque, si jamais il le faisait à l'époque. Mais je pense qu'on s'en serait rendu compte, parce que mine de rien, les tours de disque, ça doit pas être ultra populaire, non, surtout au glyph, c'est pas non plus le. C'est soit une évolution en mode opératoire, soit c'est du faux. Ouais. Du faux dans le sens une manipulation ou un copieur. Moi, je vous propose que... On savait quoi déjà sur la victime ? Notre victime ? Ouais, elle avait quel âge ? J'ai pas noté ces éléments-là, j'aurais peut-être dû le faire. J'ai juste son âge, depuis combien de temps qu'elle a évoqué son âge. On n'a pas évoqué son âge. Elle avait l'air d'avoir quel âge environ ? Oh, excusez-moi. J'ai des petits soucis de lag. J'arrive à vous suivre, mais. Vous, ça va ? Y'a pas de problème avec Discord ? On est bon. Ok, parfait. Ça doit venir peut-être de mon shadow. Du coup, la victime, effectivement, on n'a pas. Son directement, mais vous l'avez quand même vu, hein, que vous avez quand même estimé, et vous lui donnerez dans la trentaine, mais pas la trentaine passée, plutôt la trentaine qui arrive. Ok. Est-ce que c'est bien, hein, en tout cas, depuis combien de temps, des fois ça saccade, mais ça va encore. Parce que j'ai vraiment. Ouais, non, c'est des fois t'as des petits lags, on te perd un peu. Enfin, c'est des vraiment très tac tac, toi. C'est. J'ai baissé le niveau de mon shadow. Mais continuez. J'arrive aux ordres, donc c'est plus important. Oui, Esther. Oui, je voulais savoir si on savait, si on avait également obtenu l'information de depuis combien de temps la victime vivait à Venise. Il me semble que c'était un moment, non ? Puisqu'elle faisait partie du groupe depuis au moins quelques années. Ouais, elle a toujours été là, je crois, non ? Elle est ici. Directeur du théâtre. Il est de Venise. Non ? Son mari a un nom. Lansky. Mais lui, c'est un. Et lui, il s'appelait Fautus. Est-ce que Fautus, ça sonne vénitien ? Fautus, il sonne Moras. Ah non, ouais, non, c'est. Non. Fautus, c'est plutôt rhodésien comme culture. Donc le sud du sud. Ouais, c'est vrai que les autres victimes, elles n'avaient pas des noms de Venise non plus. Aucune. Ça n'envoyait pas l'air, je pense. Taillefer, du coup, ça viendrait plutôt de. Non, c'est alors. On va sortir la carte. Abicride, Taillefer. Antipoli, non ? Alors, non, Taillefer, ça, je vous donne les indications parce que vos personnages le savent, hein, ils ont l'habitude de vivre dans la toile. Taillefer, c'est plus les principautés d'Olmune. De ? Les principautés d'Olmune. D'Olmune, ça, c'est la région principalement traversée. Ok, je vois. En effet, Antonio Pini. Du coup, lui, c'est parce qu'il enquêtait sur l'enquête, donc on s'en fout. Ouais. Frost, je dirais que ça vient de Gloriana. Ouais. Effectivement, Creed, ça vient du Gloriana. Bailey Roberts. Roberts. Ça vient aussi du Gloriana. Ouais, donc c'est pas des gens de chez nous, quoi. C'est pas des gens de Venise. Et Paige Frost, on sait qu'elle. Oui, en effet, tout sous le cas. Ok. Et Nicolas Horton. Lui, c'est plus. J'ai un doute parce que j'ai tendance à comprendre. Je crois que c'est Antipolis. Si c'est pas Antipolis, c'est Pantapolis. Mais il est dans cette zone-là. Ouais. Donc, oui, en gros, ils sont pas de chez nous, quoi. Donc, tu penses que, mis à part le mort chez les enquêteurs et tout ça, c'est en partie au moins motivé. Pour tuer des gens qui ne sont pas des. Venise reste une petite, on va dire, région, et c'est un petit peu spécial comme zone par rapport au reste du monde, donc c'est vrai que c'est pas non plus. Il y a peu de monde qui vit, j'imagine, qui est né ici, je connais pas le pourcentage, mais j'imagine que voilà. Mais c'est à garder en tête. Je me permets, parce qu'encore une fois, c'est de la culture qu'a vos personnages, mais finalement, Venise, c'est vraiment une intersection, elle est née vraiment de le fait que. Toutes les traverses rejoignaient plus ou moins à Venise. Ah. Et donc du coup, malgré le fait qu'il y a sa culture, qu'il y a pas mal de gens, vous savez que c'est aussi une cité très cosmopolite. Ouais. Et que, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de la campagne, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'étrangers. Parce qu'en même temps, c'est la cité qui rejoint tous les autres empires. Et donc beaucoup de gens y viennent pour l'art, beaucoup de gens y viennent pour l'administration, et beaucoup de gens y viennent aussi de passage pour aller sur d'autres empires, etc. Donc c'est une cité vraiment très cosmopolite. Donc, ça je vous dis, vous avez conscience que c'est, ça peut être aussi, ça je préfère vous dire parce que c'est, pour être totalement honnête avec vous, sur 12 victimes, ça fait 12 personnes, si vous faites des probabilités, c'est peut-être pas si étonnant. Si on retire ça les victimes dans l'entourage, bon ouais. Ça peut l'être, voilà, c'est, voilà, les mais deux si, sont possibles, si, mais il faut si pas non plus. Sur 12 victimes, il y a zéro personne qui est originaire de Venise. Il faut, on peut pas mettre ça de côté quand même. On n'a pas, pas le nom de toutes. On n'a pas le nom des toutes, mais peut-être qu'on saura si on fouille un peu. On a 5 noms de victimes, c'est ça? Enfin 6 si on prend le nôtre en compte aussi. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut garder ça comme angle secondaire pour le moment et pas a priori. En tout cas, ce que je peux vous proposer, c'est que déjà, il faut qu'on sache ce que fait Sophia ici. Déjà parce que c'est pas normal qu'elle soit là et elle a l'air en plus d'avoir été attaquée et peut-être vu la théorie que je vous ai donnée un peu plus tôt même si tu n'y crois pas certes mais au moins on aura le cœur net persuadé que non. Au moins on aura le cœur net là-dessus si tu veux même si du coup je pense qu'on l'aurait pas retrouvé en vie. Alors, c'est clairement pas à cause de ça. C'est à cause de nos conneries quand on s'est moqué de Kaino. Ouais. Ouais, mais à la base, elle était censée être partie. Je vous rappelle. Elle était censée être partie quand on l'a fait. Autant lui demander, on sera au fait de exactement ce qui se passe. Oui, oui. Pas la peine d'en discuter des heures. Bah, du coup, moi, j'en profite pour aller pendant qu'elle se repose, d'aller me reposer un petit peu aussi, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on cavale. Une place sur le canapé. Moi, je me renseigne aussi quand même également rapidement sur les systèmes de sécurité, on va dire les plus perfectionnés. Ah, juste question aussi, les victimes, elles ont été tuées a priori en intérieur à chaque fois. Chez eux. Ah, c'est pas précisé, putain. Bah, si, il y en a un qui a été chez lui. À son domicile. C'est le premier, je crois. Mais du coup, est-ce que. Et ce serait intéressant de voir s'il y a eu des traces, des fractions ou autre. Comment est-ce qu'il rentre chez les gens ou voilà. Ça, on sait pas. Il faudra. Soit si on demande à Antonio Pini s'il veut bien nous répondre. Parce que moi, ça m'intéresse. Dans l'optique de renforcer la sécurité de mon appartement. j'ai toujours mon petit lézard, mon petit déjà au moins, pas de proche. On a qu'une entrée maintenant, puisqu'on a bouché tout le reste. Donc il y a qu'une porte. Oui, moi j'ai plus qu'une entrée pour chez moi, donc a priori je suis plutôt tranquille. Alors que vous êtes en train de parler, vous entendez un bruit un peu sourd résonner en bas, comme tout simplement le bruit de votre porte qui est fermée, hein, pas la porte qui se ferme, mais juste le bruit de votre porte qui résonne. Bon, on en profite pour descendre. Bah, on descend, ouais, ouais. De manière calme et non précipitée. Des rablons. Les escaliers. C'est quoi ça? Et oui, Sophia, effectivement, debout. Au niveau de la porte, sans qu'elle ait l'air paniquée pour le coup, mais. mais juste présente, vous savez pas vraiment ce qu'elle est en train de faire, mais en tout cas, elle est debout et. Elle se tourne vers vous à votre arrivée. Non, on va finir le boulot. Non, horrible. Horrible. Ah, Sophia, alors, vous vous êtes bien reposée? Ça va mieux? Oui, mais merci. Vous avez fermé la porte? Oui, oui. C'était pour vous protéger, mais... Mais ça y est, il procedimento à rassurez-vous, si jamais vous souhaitez sortir, vous pouvez. Vous n'avez qu'à le demander. La clé est d'ailleurs sur le... C'est des clés. Oui, c'est des grosses. Oui, la clé est d'ailleurs sur le verre. Du coup, je vais quand même... Je mets quand même les pieds dans le plat, désolé, mais... excusez-moi de peut-être être assez rap... Enfin... Assez bon, direct par rapport à ça, mais... Mais que faites-vous ici? Pourquoi vous étiez devant notre porte? Je vous ai cherché, j'ai eu quelques soucis. Et comme vous avez été de confiance une première fois, c'était les seules personnes en qui je pouvais revenir. Que s'est-il passé? J'ai été trompé au moment de recevoir ma plaque d'identification. C'était un guet-apens et ils étaient quatre. Ils m'ont frappé, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé il y a quelques jours de ça et je suis venu ici. Dès que j'ai su que vous logez là par moment. Vous avez une idée des gens qui auraient pu vous faire ça? Oui, c'est la guide avec laquelle j'étais en affaire pour avoir la nouvelle plaque et pouvoir partir. Savoir mon nom. Mais c'est quelle guilde? C'est la guilde de l'éventail. Ok, la guilde de l'éventail. Ils font quoi cette guilde? On le sait ça ou pas? Très bonne question, vous allez chacun me faire s'il vous plaît un test de... Enfin chacun, ceux qui s'intéressent à la question, mais je suis parti du principe que vous y intéressez tous. Hein. Non, je m'en fous, je m'en rien. Traversologie. Non, n'importe quoi, merci Maxime. Technologie, je crois que ça. Oui, c'est ça. Sachant que voilà, vous aurez eu tous des modificateurs qui sont les suivants. Cornilov a plus 2, Esther plus 2 et Victor moins 2. 12. Okay. Moins 2 ? Oui. Et pourquoi ? Parce que. Ok. 9. D'accord. En tout. 11. En tout, c'est dommage. Avec le malus ? Oui, avec le malus. Okay. Mais ! Quoi ? Oui. Je fais mes meilleurs jets avec mes meilleurs bonus et j'arrive quand même à avoir des trucs inférieurs à toi avec des malus, ça m'énerve. Ouais, mais parce que j'avais beaucoup en Urba Technologie. Je crois que j'ai vraiment des jets de dépit là. J'avais plus de 3 sur un dé. Ah, en fait, je dois avouer, au moment où je vous ai offert les dés, il y avait des dés pipés pour gagner et d'autres pour perdre. Posé sur une face particulière pour altérer nos chances. Et je crois que Charlie, t'as pris ceux qui font 1. Alors. Ah bah, visiblement, ouais. Du coup. Un bonus de 2. Esther, et enfin Esther, tu ne vois pas ce que c'est que la guilde de l'éventail. Par contre, Victor et Kornilov, chez vous, ça résonne assez bien, parce que c'est une guilde qui est assez reconnue, notamment pour avoir une bonne réputation dans la ville. Hein. La guilde de l'éventail, quand on en parle, c'est rarement la guilde, vous savez, qui traîne dans les bas-fonds et qu'on fait « Ah, il y a eu cette guilde qui est passée ». La guilde de l'éventail, c'est l'inverse. Hein. Vous savez qu'à la base, c'est quand même un... des malfrats, hein. C'est quand même le principe de la guilde. Mais c'est une énorme bonne réputation parce qu'elle est organisatrice de salons sur des thèmes artistiques. Les salons, si jamais vous n'avez pas cette connaissance, ce sont tout simplement des... Ouais, on pourrait appeler ça des festivals aujourd'hui, tout simplement, qui tournent autour de l'art. Et elle organise des salons, et notamment de peinture sur métal, et notamment des petits éventails, parce que les éventails sont la plupart du temps en métaux. Ce sont des objets qu'ils considèrent comme artistiques, et donc toute la guilde, ça fait une réputation là-dessus, et donc c'est un assemblement plus artistique. Malgré tout, ça reste une guilde, et donc le fait qu'elle propose ce genre de service ne vous étonne pas plus que ça. Mmh. Et vous savez qu'elle loge du coup dans le quartier sud de la ville. Mmh. Donc vous leur aviez déjà avancé l'argent, j'imagine. Bien sûr, c'est. Vous auriez un nom. Oui, j'ai même. Oui, j'ai un nom. Il s'appelle Harold Thorpe. C'est. C'est un homme important pour rentrer dans ses affaires. J'aimerais ne pas vous déranger, mais pensez-vous que je peux vous redemander service ? Dites toujours, bien sûr. C'est gentil. Je vous donnerai tout ce qui me reste comme économie. Ce n'est pas grand-chose, mais au vu du prix que j'ai déjà payé, je n'ai plus... J'aimerais juste savoir si vous pouvez faire pour moi de nouveau cette démarche pour avoir des plaques après tout. Si l'un d'entre vous s'en occupe, ils n'ont aucun moyen de savoir que ça vient de moi et je pourrais, vous voyez, l'utiliser. Alors, vous voulez qu'on vous trouve une plaque pour pouvoir fuir, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire juste vous marchandez avec eux et vous transférez la plaque une fois celle-ci faite, et je pourrais partir. Je suis désolé, mais visiblement... Mm-hmm. Visiblement, moi, je ne peux pas. Vous avez une idée de pourquoi ils vous ont refusé ça ? Alors qu'a priori, nous, ce serait possible. C'est mon nom. Vous savez, mon père est devenu vraiment quelqu'un d'important depuis qu'il fournit la ville en armes, et la guide a dû ne pas apprécier le fait que j'essaye de cacher ma véritable identité. Ils ont dû le découvrir et considérer que je n'avais pas été honnête avec eux. Vous êtes sûr que personne n'aurait pu les informer de... cet état de fait, par rapport à votre véritable nom ? Vous en aviez vraiment parlé à personne, à part nous ? Je ne crois pas, enfin... J'avoue, je n'ai pas réfléchi à ça. J'aimerais que vous en soyez sûr, ça nous aiderait grandement. Je ne peux pas en être sûr, mais la seule chose dont je suis certaine, c'est d'en avoir parlé absolument personne, à part vous, oui. Maintenant... Si quelqu'un l'aurait appris d'une manière ou d'une autre et l'aurait pu le savoir, je n'en sais rien. Comment une personne aurait-elle pu l'apprendre selon vous ? J'en sais rien. J'ai pas vraiment de contact avec mes contemporains, vous savez. Je vis plutôt seul, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de gens. Et la seule personne avec qui je conversais, c'est Keino, et vous savez très bien que je ne l'ai jamais informé de mon but. Mmh. Donc il y a véritablement... Enfin, je vois perdre plus la mèche. Mmh. Très bien. J'ai dû l'apprendre par eux-mêmes, non? Je pense, oui. J'imagine qu'ils vérifient toujours un minimum des affaires avec lesquelles ils traitent. Personnellement, bon, après ça, je le dis pas forcément à haute voix, mais je suis pas vraiment très chaud pour m'occuper de ça et essayer de lui trouver une plaque. Que en soi, je sais pas, par rapport à nous, la légalité vraiment du truc, où on se place par rapport à ça. Si c'est vraiment quelque chose qui se fait. C'est vraiment l'inverse de ce que tu lui as dit. Ah non, j'ai pas dit qu'on allait. Dis toujours. Oui. J'ai pas dit on allait s'occuper de ça. J'ai juste écouté et j'ai pas donné de réponse. Après, on a parlé, mais. Parce que je sais pas où par rapport à ça, est-ce que c'est illégal en soi? Trouver une autre plaque avec un autre nom, tout tralala. Ça veut dire que des métropolites vont aller voir des guildes de malfrats. Genre, ouais, tu peux me donner une fausse identité, s'il te plaît. Ouais. Donc, moi, perso, je suis pas très chaud. Bon, je peux m'en charger si vous voulez. Mais vous savez où vous allez habiter le temps que d'avoir cette nouvelle plaque? Non. Vous avez rien? Vous avez nulle part où aller? Non. Je regarde les autres. J'imagine qu'on peut aménager l'un des bureaux à l'étage. Enfin. Oui, parce que j'aimerais rester ici le temps que je me charge de vos blagues. Si on déplace le canapé. Je viens. C'est pas très confortable par contre, bien entendu. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de meubles. Je veux juste partir d'ici. Le confort d'ici là. Et puis avec tous ces bleus, vous allez bien vous fondre dans le paysage. Non, non, je dis pas ça. C'est quoi? Horrible. Désolé, je sais pas. Après, une fois qu'on se retrouve, je le dis maintenant parce que si comme ça, sinon je vais peut-être l'oublier plus tard. Mais quand on se retrouvera tous les trois. Je dirais aux autres. Alors, dans ce cas-là, il va falloir faire attention. Ce serait dommage qu'on retrouve une morte dans notre appartement. Oh, ça devrait aller. J'aimerais juste qu'on décale les plaques et les disques quand même. Du coup, au dernier étage, qu'on le verrouille. Bon, si elle pouvait éviter de lire les enquêtes sur lesquelles on mène, voilà. La loger, ça ne me dérange pas, mais la laisser seule avec nos affaires, un peu. Non pas que j'ai pas confiance, mais question de principe. Et de prudence. Et ça, sous le ton de la blague, puis on sait jamais. Si c'était elle, il procedimento. J'imagine qu'il y a peu de chance, alors il a vraiment, vraiment... beaucoup de coups d'avance, il est très très fort. Enfin, pour elle. On ne sait pas. Mais oui, bon, après. Elle savait qu'on allait être monté en grade pour avoir son enquête. Ouais. C'est volontairement. C'est pour ça que je dis sous la blague, hein, en rigolant, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment on fait? Je demande à Sophia, du coup, parce que je ne connais pas comment on fait pour avoir ses plaques et tout ça. Il faut contacter Harold. Harold Thorpe, ouais. C'est lui qui gère cette affaire-là. Après, la guine n'ouvre pas ses services aux nouveaux clients. Il va vous falloir faut faire passer pour des habitués. Si ça peut vous arranger, je sais que qu'il y a un salon qui va être organisé le 6-2 de notre teinte actuelle. Ils observent énormément les visiteurs des salons, et si jamais ils vous remarquent là-bas, sachant que Harold y est bien souvent pour parler de ses œuvres, il vous considérera dans ce cas-là comme assez de confiance pour donner possibilité de découvrir le magasin secret. Vous êtes déjà allé à l'un de ces salons ? Oui, oui. Vous pourriez nous expliquer en détail comment ça se passe ? C'est un salon comme tous ceux qui sont organisés. Je veux dire, un peu plus tard, histoire qu'on puisse vraiment se faire passer pour des gens qui potentiellement y sont même déjà allés auparavant. Pas comme des nouveaux venus. Le dernier salon était l'an dernier. Il avait été organisé en Sanguine 1130, je crois. Sanguine 1130. Lors de la deuxième lune. Et c'était sur... Oui, le thème était Fleur des Crimes et Métal. Et il faisait une double présentation. Je n'ai plus le deuxième thème en tête. Il me semble que c'était une question architecturale. Ici, intéresse pas mal en tant qu'artiste. Ça devrait être déjà suffisant pour au moins tenter de rebondir. Il n'y a pas eu d'éléments passés marquants. Un accident sur place. Accident, non. Les salons sont très calmes. Sur lequel on pourrait. N'importe quelle anecdote que l'on pourrait utiliser et raconter comme si nous y avions été déjà auparavant. Sans en faire trop, simplement quelque chose de notable. Je pense pas. La plupart des anecdotes ne sont pas assez marquantes pour. Ce sont généralement des choses qu'on oublie le jour. Ça évitera qu'on nous prenne au dépourvu dans ce cas-là. C'est très gentil, en tout cas, de votre part. Je suis désolé d'abuser de votre gentillesse, mais je vous donnerai tout ce que j'ai. Enfin, tout ce qui me reste, plutôt. Très bien. Question au compteur. Ces plaques, en gros, c'est comme des cartes d'identité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une identité là-dessus, qui soit une fausse identité de femme pour que ça lui corresponde et tout ça. C'est exactement ça, ouais. Et ce sont des plaques qu'il faut voir un peu plus simplifiées qu'une carte d'identité, mais c'est l'idée, ouais. C'est-à-dire qu'il y a juste un nom dessus et approuvé. Alors, il y a... Dessus, en fait, il y a l'identité. Il y a quelques caractéristiques de la personne qui est censée être écrite, qui permettent de vérifier au moins, tu vois, genre si t'es censé être face à une femme blanche, surtout à un homme noir... Après, mais c'est surtout en fait, ils en utilisent assez peu hein, pour en fait identifier un citoyen, c'est plus pour les trucs officiels. Hein. Donc la plupart du temps, les gens l'utilisent même pas. Et en fait, c'est le plus important en fait dedans, c'est le numéro d'identification. Et du coup, le numéro d'identification, c'est lié chez eux à tout un stockage dans lequel on sait que tel numéro, c'est tel citoyen. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils s'en gèrent. Et alors, comment eux, ils arrivent à avoir accès à ce genre de choses pour faire un. Tu pourras leur demander. Bah moi je demanderai rien puisque c'est pas moi qui. Oui, je sais pas. De quelle couleur sont les cheveux de Sophia? Ils sont c'est pas noir mais c'est tu sais juste avant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver cette couleur? Brun. Plus foncé. Ce que vous avez. Enfin brun foncé on va dire. Mmh. Ok. Mmh. Et les cheveux courts. Je me tourne vers toi. Ouais. Le seul souci c'est que la couleur de mes yeux est vraiment particulière. J'imagine qu'il y a statistiquement peu de chances pour que les yeux de Sophia oui. soient... Non, tes yeux ne correspondent pas à ceux de Sophia. Est-ce que... Rouge et bleu. Enfin, rouge et bleu, pardon. Marron et bleu. Est-ce qu'on est dans un... Est-ce que les lentilles de contact colorées existent dans cet univers? En tout cas, elles ne sont pas commercialisées aux tous, mais peut-être que si tu connais les bonnes personnes au bon endroit, ça doit exister, oui, tu le sais. On va faire du shopping avec Esther, du côté des artistes. Et des théâtres. Ah, tu vas carrément dans cette optique-là de refiler la plaque de Esther à... Il faut que je me balade au salon, au moins au salon, pas forcément quand je vais chercher la carte. Enfin, la plaque. Non, je pas diète non plus. Avec Esther, pour qu'on me voit avec quelqu'un et que je dise, oui, c'est pour elle. Autre élément, je pense que si on veut vraiment récupérer un effet des lentilles au niveau des gens du théâtre, l'enquête qu'on fait en cours serait un bon moyen de s'en procurer vraiment discrètement. Tu peux répéter, je vais entrer. Non, je disais que si jamais on veut se procurer des lentilles sans risquer d'éveiller de quelconque soupçon sur une potentielle enquête future, l'enquête actuelle qu'on mène est plutôt une aubaine vu qu'on va vraiment côtoyer ce milieu-là. Donc je pense que on peut l'utiliser, essayer de faire d'une pierre deux coups en fait. En allant enquêter sur notre enquête en cours, donc au niveau du théâtre notamment, peut-être qu'on va tomber justement sur des lentilles de contact et dans ce cas-là qu'on pourra les utiliser. J'en sais rien, pour l'instant on n'a pas prévu de retourner en bas. Mais à garder en tête. On peut peut-être simplifier. Ou alors, on demande à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui permettra de savoir où est-ce qu'on pourrait se procurer ça. Ouais. Du coup, est-ce que... Juste, de quelle couleur sont les yeux de Sophia ? Marron, il me semble. Okay. J'ai vérifié, mais il me semble qu'ils sont juste... Oui, je trouve des lentilles marron et j'imagine que ça marchera mieux dans son sens-là que dans l'autre. C'est quand le salon, la date du salon à laquelle il faudra être là ? Enfin, vous serez ? Le 6 de cette lune, il me semble. C'est le 6 de Verde 1131. Ok. Et quelle lune ? Le 2. 6 de okay. Verde 1131. C'est ça. Alors, est-ce que. Pour l'instant, ok, on parle là-dessus. Est-ce que maintenant on peut mettre ça de côté et repartir sur notre enquête quand même ? Parce que on est quand même là aussi. Qu'est-ce que tu veux faire pour l'enquête ? Alors, je voulais vous proposer vu qu'on était là-haut. Pardon ? Non, je disais déjà, il faut qu'on envoie un messager pour Maria. Pour lui demander si elle a vu la bougie ? La faire venir. Oh. Vous voulez la faire venir ou juste lui demander de lui poser la question ? Non, je pense que le messager pour lui demander. On l'a fait venir. Bon. Bah, qu'on envoie un messager, d'accord, pour la faire venir chez nous. Et il nous faudra un nouveau canapé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous a donné comme moyen, la fameuse dame qui. Tu sais, on a croisé. J'ai discuté avec une femme qui était notre mécène. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous a donné comme moyen? Alors, j'avais expliqué comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est à crédit chez les concernes. Donc c'est-à-dire que quand vous allez acheter, vous allez dire tout simplement votre nom et ils vont considérer que bah du coup tant de crédit a été utilisé. Faut pas oublier que dans la haute ville, ça marche énormément comme ça pour éviter de se trimballer du cuivre et de ce genre de trucs qui ne sert à rien à perdre des ressources. Donc si on veut quelque chose, on aura juste à aller dans les concernes et dire on vient de la part de et voilà. Hein ? Non. Continue. Okay. En tout cas, vous voulez faire quoi ? Du coup, moi, j'étais parti pour aller à la loge des antiquaires. Mm-hmm. Vu qu'on est à la haute ville. Pour présenter ce fameux disque et avoir plus de renseignements, peut-être sur l'auteur, peut-être du musicien. Oui. Je suis pas contre ce plan, je suis pour, mais faut garder à l'esprit que du coup, s'ils sont liés à ça, ça sonnera l'alarme si c'est vraiment l'aile pour Sidi Pencio qui arrivera pour nous. Mais je suis quand même, bon, faut que je prends un risque. Mais bah après, faut quand même à un moment donné qu'on arrive à avoir des infos sur. Et je pense que la musique n'est pas anodine, enfin. Sachant qu'en plus, ah ouais, il y avait. J'ai passé une session entière à enquêter là-dessus. Voilà, il y a rien d'écrit sur le disque. C'est un disque neuf. C'est un original. Si on arrive quand même. C'est difficile de ne pas faire la démarche pour savoir ce que c'est. Sous prétexte que. Ils ont peut-être même un livre de contes ou quelque chose comme. Enfin, si on arrive à savoir d'où est-ce qu'il provient. On peut peut-être tenter de le ramener, tu sais, comme si on le rendait, je sais pas si c'est possible. Et ainsi d'obtenir un nom, déjà. Ça me paraît trop simple, mais... S'ils connaissent l'artiste, entendre la musique leur fera sûrement reconnaître. Les artistes, c'est comme les tueurs en série, ça a toujours une signature dans la musique. Surtout que, voilà, c'est un style musical qui plaît vraiment à l'âge des antiquaires, donc... Il y a de fortes chances qu'ils connaissent, en sachant que voilà, tout le monde ne peut pas créer ce genre de disque, et c'est plus du ressort des loges que d'en dessous. On y va du coup, vu qu'a priori on est d'accord. Moi, j'aurais bien aimé quand même y aller. Bah, vous allez le faire. Bon, je veux plus d'envoyer le messager pour la convocation. On ferme tout à fait. On lui demande de venir demain. Dans 2 jours, le temps de alors, il y en a Maria, le temps qu'elle monte. Le temps de trajet, c'est ça. Mais en fait, du coup, vous pouvez juste lui demander de venir au plus rapidement, ce qui sous-entend en fait tout de suite, mais avec le temps de trajet inclus. Et du coup, ça serait combien de temps? Oui, elle est pas dans la si basse ville que ça, donc oui, tu peux compter 1 ou 2 jours selon le moment où on reçoit le message. Est-ce qu'on peut lui donner une heure? Mais c'est-à-dire qu'on imagine qu'elle arrive si elle part directement. On lui donne une heure dans cette même journée, comme ça on sait qu'on est là et on reste pas toute la journée à attendre là. Ouais. Oui, voilà, ouais, tu peux lui dire à pas on entre telle heure et telle heure. Parfait. On va lui dire quelque chose comme ça. Ok. Ouais, ouais. Donc vous vous mettez en chemin, vous contactez le messager, etc. Ça y a aucun souci. Juste avant qu'on aille en chemin, bah, je propose que les concernes ils sont où? Alors les concernes, en fait, ça va dépendre. Il y a tout simplement les rassemblements de concernes qui sont dans la très haute ville par les nobles marchands qui vont gérer ça. Ouais. Et de l'autre côté, il y a les quartiers où ils produisent qui sont du coup chacun dans un coin. Genre, il y a un truc à côté de chez nous, pas loin? Ça dépend de ce que tu cherches. Un vélo. C'est large. vélo, tu peux. C'est pas produit littéralement par un concerne parce que la production de masse, en tout cas à Venise, n'est pas intéressante. Donc, du coup, c'est plus géré par les petites étoffes, ce genre de choses qui vendent des trucs artisanaux. Donc, ce sera plutôt sur des marchés, ce genre de trucs. Mais tu peux y faire un détour si t'en as. Est-ce que ça vous dit pas, les amis, qu'on s'achète un vélo? On gagnera un peu plus de temps. Et ça pourquoi va. Attendre? Très bien. Donc, vous allez faire ça en chemin. Moi, je continue à écrire ce que je voulais. Hop. Je reste toujours à l'affût dans mon voyage à l'idée du fameux shopping qu'on est censé faire qui sera utile à la fois à notre enquête et à, et à rendre service à Sophia. Tout à fait. Vous enfoncez du coup dans la ville. Et. À l'envers. Je vais juste faire un truc. Ok, c'est bien ce qui me semble. Vous rendez donc dans la ville, vous avez passé par un petit quartier et vous tombez sur ces marchés qui glissent autant en basse qu'en haute ville. Hein. Pour le coup, les marchés, c'est vraiment une des grosses économies qui se passe interne à la ville et c'est là où il y a beaucoup d'artisans, ce genre de choses. Et vous tombez du coup sur une étale d'une personne qui vend quelques vélos construites à la main, ce genre de choses. Si vous vous renseignez, pour faire un peu rapidement, le coût en fait d'un vélo c'est de 10 liches. Alors Cornilov, tu as 10 liches sur toi. Je me rappelle. J'ai les moyens. Esther, tu en as beaucoup. J'en ai 45. Moi j'en ai noté 40 parce que tu avais acheté un truc. Ah ok, my bad. Et Victor, tu en as 15. Donc j'achète un vélo. Ok. J'achète le vélo de Kornilov. Ah, c'est gentil. Merci. Donc Kornilov, tu gardes un peu d'argent. Et Esther, tu... C'est bête que tu puisses pas me payer un coup au hurleur à l'occasion. Bien voilà, vrai. J'achète un vélo aussi. quand on sera plus dans notre partie aux boissons gratuites. C'est vrai que pour ça vous êtes encore en boisson gratuite. Et puis dans lorsque nous aurons attrapé El Polo Silemento, Silemento. Gueule ça dans la rue. Voilà. Je pense qu'on sera riche à ce moment-là. En tout cas, vous vous mettez en route sur vos petits vélos et vous découvrez le plaisir incroyable d'aller plus vite que les gens. Malgré tout, vous comprenez aussi pourquoi beaucoup de gens ont l'habitude de rester à pied. Venise est construit énormément de plateformes. Hein, pour, ça va me permettre de parler un peu d'architecture, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais mis pas mal de côté jusqu'à aujourd'hui. Je parle de haute à basse ville, mais il faut pas voir du coup le tout comme une énorme pente qui va du haut à la basse ville, évidemment. ce sont des bâtiments, des rues, et donc du coup, bah, il y a des escaliers qui descendent, c'est des plateformes. Enfin voilà, je veux dire, la ville est vraiment une construction de choses qui se rendent dedans, des tunnels, tu rentres, tu montes des escaliers, etc. Il faut vraiment pas voir ça comme une énorme pente. Wow. ça serait peut-être un peu hardcore. Je m'achète un casque. Ouais. c'est pas le souci, t'inquiète pas, c'est juste pour, comme ça me permet de parler un peu d'architecture. Et donc, je vais même vous montrer une petite illustration, ce que je trouve qu'elle représente bien quand même la vie de Venise. Et en fait, c'est un peu ça partout. Comme j'ai pas de PDF, je peux pas vous le montrer directement dedans, mais est-ce que vous voyez un peu comment c'est? Vous voyez, il y a énormément de bâtiments, il y a des plateformes, des escaliers qui vont monter ailleurs. Là, vous pouvez voir qu'on peut marcher vers ici. Grand écran. Ouais, allez-y. Oula, en fait, vous voyez, ouais, c'est pixelisé, je suis désolé. Mais je vous mettrai une photo de non, mais je vois, moi, ça me parle. Ce sont des plateformes, et vous voyez, c'est vraiment... Il y a des ponts ouais, de lune, on peut marcher ici, on peut marcher par là, il me semble. Enfin, voilà, du coup... Bah, c'est comme Venise, c'est vraiment... hein. Venise, c'est un peu... Enfin, la vie de Venise est un peu foutue comme ça, hein. Sauf que là, c'est pareil, mais sur 20 milliards d'étages. Oui, là, c'est très construit et très large, très éparse, encore une fois. Donc voilà, du coup, ça tombe bien, j'ai l'occasion d'en parler un peu, et de vous recontextualiser un peu... La situation, j'ai l'impression que vous êtes. Et donc, du coup, le vélo est très sympa. Mais c'est vrai que régulièrement, en fait, vous avez besoin de descendre pour monter des marches pendant quelques pas, puis revenir à vélo, puis ensuite redescendre. On ira plus vite quand même. Voilà. Vous allez plus vite, effectivement, mais il faut pas voir ça comme une petite balade de santé. Oui, c'est vrai que ça occasionne même des gênes dans votre transport, puis le fait qu'il y a des gens, etc. On reste comme sur une vitre. Donc, on est d'accord que, au bout de plusieurs sessions, on pourra gagner des points d'athlétisme. Parce qu'on sera musclé et plein de... Ah, en vrai, j'aime bien l'idée, on verra. Par contre, les gars, vous allez laisser vos vélos à la fin de la journée, parce que là, c'est pas possible, les chaînes sont dans un état pas possible, je vais vous démonter, je vais remonter ça à l'hélico, vous allez voir, on sera beaucoup plus efficace. Il y a une perte d'énergie assez notable, là, ça a été fait n'importe comment. Ils vont m'entendre, ils vont m'entendre. Je vais demander à Kornilov comment il se sent, ses sentiments, tout ça. Fatigué. Essoufflé. Très énervé par cette idée de vélo. D'accord. Alors, le vélo mis de côté, même s'il m'énerve parce que j'ai envie de le jeter par-dessus bord parce qu'il faut monter l'escalier. Bah, tu sais, tu les as remontés à pied aussi. Hein. Ouais, mais. Moi je note toutes les plaintes de Kornilov parce que je me dis que c'est des retours utilisateurs qu'il faudra que je prenne en compte pour mes vélos. Et je réfléchis à un vélo pliable. D'accord. Non, on a l'idée. Du coup, le vélo mis de côté. Je dirais que je suis concerné beaucoup plus en réalité par... c'est triste de dire parce que dans les sessions précédentes, j'étais à fond dans l'enquête, mais cette fois-ci, je suis beaucoup plus concerné par le cas de Sophia. Parce qu'il faut dire que je me sens assez coupable parce que j'ai dans l'idée que Kaino est lié à ça à un moment ou à un autre. Et j'ai été le premier à chercher la merde à Kaino. Et à insinuer que Sophia voulait se débarrasser de lui et tout ça. Donc pour l'instant, je me sens fort responsable, d'autant plus que mon idéal est de paraître le plus bon possible. Donc ça me fait mal, tu vois, d'être coupable. Ça te fera encore plus mal qu'elle le sache. Ouais, mais j'espère que non. Et voilà, et en termes de, je sais pas, en termes d'enquête. Après, vos sentiments n'ont pas obligé d'être liés à l'enquête. Hein. Vos sentiments sont sur ce qui vous concerne. Ouais, non, oui, sinon l'enquête. Enfin, non, pas aux effets. Je suis un peu perdu. Oui, voilà. J'étais à fond dans la piste du tueur en série depuis le début. Maintenant, on dirait que c'est un peu un faux. Donc, je suis perdu. Parce que c'était vraiment ma piste préférée. Ok. Voilà. Vous roulez ainsi. Et vous arrivez dans un niveau assez haut de la ville, tout de même. À l'antichambre de la loge des antiquaires. C'est un énorme bâtiment qui vous fait face. Un bâtiment qui s'allonge sur des centaines et des centaines de pas. Vraiment quelque chose de colossal, de grand, de plusieurs étages. Et surtout, un bâtiment artistique. Ça se sent, vous êtes à peine en contact en fait avec cette résidence, hein, qui a d'ailleurs un terrain un peu aménagé. Vous voyez, ils ont fait en sorte d'être assez présentable. Vous doutez que c'est sûrement un petit combat de... avec les loges officielles, en tout cas de la musique, de la note, du glyphe, etc. Et notamment, voilà, le bâtiment est rempli d'ornements, est rempli de sculptures. Il y a véritablement un véritable jeu, hein, artistique quand vous rentrez et vous sentez directement vraiment une vibe même en vous. Ouais. Il y a vraiment cette sensation d'un essor créatif, hein, vraiment qui entoure tout le bâtiment, qui est vraiment très soigné, ce genre de choses. Enfin bref, vous dirigez du coup plus ou moins dans cet énorme bâtiment, à ce qui vous semble être l'accueil, mais bon, il est tellement grand, tellement épars, peut-être qu'il est à 300 pas sur la droite, mais on rentre quoi, par ce qui semble être une entrée. Et un homme vient vous accueillir. Cet homme a des cheveux en pétard, un visage plutôt fin, et un regard qui a l'air un peu narquois, mais pas forcément... Vous voyez comme un homme qui vous regarde avec cette attention narquoise, mais plus comme s'il l'avait naturellement. Et il se dirige vers vous. Vous semblez perdu, puis-je vous aider? Salutations. Nous cherchons, si vous voulez bien nous aider, le coin où les musiciens passent leur temps, surtout ceux dont on a entendu parler, qui s'intéresse énormément à la technique Scodatula. Je vois. Vous vous intéressez du coup au genre Acrimonia. C'est ça. J'aime ça. Mais ça tombe plutôt bien, sachez que je suis représentant de la cellule musicale de la loge des antiquaires. Je me présente, Nika Razian. Je suppose que vous avez déjà du moins entendu entendre mon nom sur l'un des disques, si vous vous intéressez un peu au genre Acrimonia, venez ici. Hein. Quelle est votre requête? Avez-vous besoin qu'on discute ici même, peut-être dans un lieu un peu plus reclus? Dites-moi donc, vous êtes en service? Nous sommes en service, en effet. Mais, et nous aurions besoin d'un coin discret. Oh, mais pas de souci. Avec de préférence de quoi écouter de la musique et une bonne acoustique. Oui, ça devrait pouvoir se faire. Allons donc. N'attendons pas moi. Dans ce cas-là, il se dirige vers l'intérieur, vous demande de le suivre, et vous fait tout simplement descendre au niveau du sous-sol. Et bien de mon côté, vous savez que la plupart du temps, dans les bâtiments qui sont pas publics, hein, les salles sont isolées par tout simplement des tapisseries. C'est d'ailleurs pour ça que votre QG est assez exceptionnel dans le sens qu'il a des murs, et c'est très rare les murs internes. La plupart du temps, ce sont en fait tout simplement des tissus qui servent de séparer les salles. Il n'y a que les bâtiments vraiment publics, hein, chose que n'est pas quand même la loge des antiquaires, malgré tout, même si elle pourrait l'être. Et donc l'intérieur est mélangé de bâtiments et de tissus. En fait, ils séparent les pôles et dedans il y a des tissus. Pardon, excusez-moi, les pôles sont séparés par des murs et dedans leurs salles sont séparées par des tissus. Mais les sous-sols sont réservés à des salles de création, et donc du coup ce sont des salles bien séparées pour que un artiste qui est en train de composer n'entende pas la musique d'un autre à côté, etc. Donc il vous emmène là-dedans, vous expliquant un peu tout ça. Sachant qu'il y a aussi une partie que vous sachiez déjà de base par culture générale. Et tout simplement, vous emmène dans une de ces petites salles, vous fait vous asseoir dans des fauteuils hyper confortables, vous savez, dans du cuir vraiment très confortable. Du cuir de quoi ? Vous espérez que c'est pas d'un animal trop dégueulasse, que ce soit au moins un truc un peu... un hurleur, au moins ça. Mais du moins, voilà, vous êtes face à quelque chose d'assez confortable, et il vous installe. Et s'assoit, croise les gens, il fait « Bon, en quoi puis-je vous aider ?» C'est qui a le disque? On l'a oublié. Ok, donc c'est toi Kornilov qui a le disque. Donc, C'est Sophia qui l'a. Okay. Donc, bien, je sors le disque et je lui dis, nous aurions besoin de votre expertise sur ce disque. Eh bien, soit. Vous voyez qui. Tout ce que vous pourriez nous dire en effet dessus. Qu'il installe un énorme gramophone, enfin qui est déjà installé, mais en gros qui le branche pour. Enfin qui branche. Vous comprenez qu'il le met en route, etc. Le truc fait au moins 3 fois la taille du vôtre, hein. Il est vraiment très très gros. Vous verrez, la qualité est somptueuse. Il prend votre disque, la pose au milieu, et fait du coup dérouler un peu l'aiguille dessus. Et la musique va se lancer. C'est la marque Sona. J'ai à peine de comprendre. La musique se lance. Vous voyez qui l'écoute. Hein. Il se concentre un peu, il ferme les yeux, et au fur et à mesure que la musique va se lancer, vous voyez exactement réagir, faire des petits mouvements frémissants, etc. Et vous voyez que pour le coup, il vous ignore totalement, il a les yeux fermés, il est vraiment dans sa bulle, et laisse dérouler facilement plus d'un quart d'heure de musique si vous l'interrompez pas. Quasiment le disque total jusqu'à temps que. Y a rien d'autre dans la pièce ? Non, c'est une installation avec. Il y a de quoi écrire, il y a de la cire, etc. Mais sinon, c'est vraiment en fait vraiment une cellule de création. Pour l'acoustique, étant donné qu'il ferme les yeux, je jette des coups d'œil dans tous les recoins possibles sans rien toucher. Alors, mais... tu vas me faire un jet de discrétion. Non, mais sans rien toucher. Hein. Non, mais y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais juste. Mais tu as bien entendu, du coup, un modificateur positif. Bien sûr. Je te donne même un plus 4 parce qu'effectivement, il y a la musique. Je veux rajouter des points à son truc. Parce que. Tout s'en sort. Enfin, j'imagine qu'ils sont optionnels en réalité, mais parce que comme quand je vois qu'elle regarde un peu autour, je m'amuse aussi du coup à faire des petits mouvements alors que je connais rien, des mouvements musicaux. Pour que ça le perturbe quand pas. Ouais. Quand il ouvrira les yeux, il sera attiré par le mouvement plus que par le regard. Oh là, c'est incroyable. Du coup, ça sera un petit test de. J'oublie toujours, et la discrétion, c'est incroyable. Bon, allez. Maraude. Tu sais quoi ? J'ai envie d'être très gentil. J'ai envie d'être très gentil, parce que avec le système de présence, etc. Je te laisse le choix de la compétence, parce que je vais dire que tu emploies ce que tu préfères là-dedans, parce que de toute façon tout peut être relié à la recherche. Donc je te laisse le choix total de la compétence, sachant qu'il peut être intéressant, n'oublie pas pour le système d'expérience, de prendre des trucs. Parce que là, j'aurais envie de dire anthropomécanologie, que j'ai 5, mais par logique, j'imagine, je vais prendre maraude, c'est censé être social, mais okay. Maraude, ça me paraît... Bah effectivement, c'était aussi le truc qui m'avait un peu bloqué, mais ouais. Va pour maraude. Donc du coup, tu me fais un test avec un modificateur de 4. Sinon, peut-être... conduite, c'est quoi techniquement ? Non, conduite, c'est vraiment la conduite, là, pour le coup. Okay. Vroom, vroom. Tu fais du vélo. Avec un modificateur de 4, j'ai 2, donc a priori, je vais faire 8, statistiquement. Ça va. Alors, 7 plus 4, 11, plus très 2, 13. Oh oui, très très bien. Tu observes super bien. Je lui fais les et poches. Donc, c'était du maraude. Tu le retournes, tu le sais. Okay. Il ouvre les yeux, il n'y a plus les tapisseries, il n'y a plus rien. Tu sais. Tu observes un peu. Et en fait, ce que tu notes, c'est que tu es littéralement dans une salle de création. Là, pour le coup, tu en es ouais. Sûr. Il y a même en fait un carnet dessus. Non mais, sait-on jamais, c'était bien de chercher, de torture, sur quelque chose d'un peu étrange. Ça allait pas être le tueur a priori, mais... c'est vrai que... Voilà, tu remarques du sens mal mur. Placé, je suis chez un mec qui ferme les yeux, non, moi je fouille. En vrai c'est justifié, mieux vaut chercher que laisser tomber un indice qui aurait pu être capital. C'est vrai, c'est très bien. Et donc du coup tu observes et en fait tu remarques que, en fait, y a déjà, ce que tu peux t'étonner, mais tu vois il y a 3 plaques signées par 3 personnes différentes, donc tu sais que plusieurs jeunes s'enchaînent ici pour composer de la musique, etc. Et ici visiblement c'est de la composition musicale. Voilà. Voilà. Au bout du quart d'heure, si personne ne fait rien d'autre, il réouvre les yeux, pousse un soupir. C'était incroyable. Cela vient de vous ? Est-ce l'un de vous qui est composé cela ? Malheureusement, non, même si j'aimerais bien. Oh, quelle virtuosité ! On aurait aimé que vous connaissiez l'auteur. Oui, on se demandait. Il y a une forme de signature, une forme de personnalité. Je ce vois... que je crois entendre, mais... Je vois. C'est vrai que il y a une forte personnalité, mais malheureusement, c'est une personnalité communautaire. C'est une personnalité qui englobe tout Venise, et plus particulièrement tout le mouvement d'Acrimonia. Je n'arrive pas à trouver une singularité très forte dans ce titre. Il a vraiment été composé comme une œuvre commune, voyez-vous. Je ne peux pas trouver la patte d'un artiste quelconque. Je ne peux pas, par exemple, vous dire, mais bien sûr, vu la tonalité, nous sommes face à mon ordinateur qui bug, évidemment. mais en dehors de cela... Non, excusez-moi. Vous avez l'air d'être troublé, mon cher ami. Je suis très troublé. Je ne peux pas dire, voilà, je suis face à l'œuvre de Aaron Cooper, par exemple, grand compositeur atonal. Mais il y a dans cette musique véritablement une perfection du mouvement acrimonie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce mouvement, disons que si quelqu'un voudrait composer l'œuvre la plus parfaite qui plairait à chacun de ses adhérents, elle ressemblerait à celle-là. Mais malheureusement, du coup, je ne trouve pas de singularité. Elle semble être née d'un... Avec quel matériel aurait pu enregistrer le disque? Qu'en est-il de la matière, semble-t-il plus provenir de telle ou telle partie du globe? Oh, le disque est de très très très très excellemment oui de la toile très excellemment bien construit. Pour ce qui est de l'enregistrement, soyez sûr, ce n'est pas un amateur qui a fait ça. Donc ça peut être la musicalité qui en ressort est clairement venant d'appareils professionnels tels que nous avons ici, avec une qualité d'enregistrement qui surpasse la moindre appareil, si je peux me permettre, qu'on pourrait trouver n'importe classique, où quoi. Ailleurs dans la ville. Mmh. Y a-t-il un autre endroit à Venise où... bien sûr, la loge Hanot, par exemple, bien que nous ne sommes pas d'accord, je ne peux pas dire que... leur non, musique soit oui, mais bien pour, entendu. Pour faire ce genre de musique, il faudrait que la loge en question ait envie d'enregistrer une musique comme ah, celle-ci. Je suis bien d'accord, mais il est aussi possible que ça ait été enregistré en dehors d'une loge quelconque. Non. Si la personne a un matériel énorme, vu au niveau de sa composition, c'est un musicologue... plus que confirmé, c'est un expert, c'est peut-être même un artiste connu mondialement, vous voyez ce que je veux dire. Toute la toile doit connaître, à mon avis, ce nom, parce que cette composition ne vient pas d'un amateur qui s'essaierait à la musique. Je ne veux pas être vulgaire envers vous, je pense que si l'un d'entre vous se met à composer de la musique, vous n'y atteindrez pas, même pas, le tiers du quart de cette qualité. Donc nous avons affaire à un prodige. Oui, mes productions ne sont pas aussi... Donc, quand je dis on a affaire à un prodige. Non, mais les miennes. Mais tout à fait, mais même les miennes, je ne me considère pas, bien que je sois une des personnes, je pense, à la plus grande renommée de cette ville, je ne pense pas atteindre un tel niveau de qualité. Enfin, cette composition a l'air. D'ailleurs, qu'en est-il de la voix? Il y a une voix ou pas à l'intérieur du disque? Il y a non, c'est pas que de la musique. De voix. D'accord. Dommage. Tu peux l'en. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous trouvez l'artiste qui est originaire de cette musique, ne le perdez jamais de vue. C'est sûrement oh, vous inquiétez un des plus pas, grands artistes. De le garder à l'œil un moment. Bon, bien soit. Puis-je vous aider autrement? Avez-vous besoin peut-être d'autres indications Avez-vous déjà entendu parler d'artistes n'ayant rien à voir avec la personne ayant pu créer ça, évidemment, d'artistes, disons, un petit peu dérangés, qui auraient pu faire polémique auprès de certains de leurs... Vous savez, des artistes dérangés, il y en a bien, bien, bien beaucoup dans cette ville. Des artistes vivant dans des quartiers tels que... Non, je vais pas dire le glyphe, mais... oui. Oh, ben le glyphe est un grand quartier. Non, non, je dis pas, parce que s'il entend parler du meurtre du CD, ouais. Je ne sais pas de quel genre de quartier vous parlez. Si vous parlez de quartiers de très basse fréquentation, nous savons que des artistes de renommée y logent. C'est d'ailleurs une de mes recherches à l'heure actuelle, mais il existe en Basile, et j'aimerais beaucoup retrouver sa piste, un poète qui malheureusement ne signe pas de son vrai nom et qui du coup rend la chose un peu plus compliquée, mais dont beaucoup d'indices laisseraient supposer que c'est une personne de la Basile et qui est depuis maintenant, je pense, ces 5 dernières années, le poète le plus talentueux de la ville de Venise. Et son nom. Je pense que la Basile peut être souvent considérée à raison comme un endroit de personnes de peu de culture, mais je pense qu'en réalité, ces gens-là peuvent être capables de ressentir une véritable vibration créatrice qui les mène peut-être plus loin que ceux se pensant naturellement. Mais... Et à l'inverse, auriez-vous déjà entendu parler d'artistes de renommée métropolite ? Par tout hasard ? De chez les métropolites ? Généralement, les gens de votre travail sont plus rationnels, moins dans l'émotion, et vous comprenez que l'art est quelque chose. On n'a pas le temps de se consacrer à un art. Ouais, nous sommes plus terre à terre. Il y a forcément, je pense, des artistes dans toute la toile qui sont à la fois artistes et métropolites, mais il est vrai que pour l'instant, de ma culture, je ne crois pas. Un artiste de renommée, soit. Voilà, qui a une véritable renommée. Quel est le nom de ce poète ? Juste la première. Oh, le nom du poète, c'est La Veridici. Veridici. Je vous l'écris bien évidemment sur cette plaque de cire, parce que j'en ai. Attends, on parle de quoi là ? C'est quoi qu'il a du poète, des bas-fonds. Okay. Des bas-quartiers. La Veridici. Oh, je vous conseille d'ailleurs de lire. Je suis spécialisé en musique, je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce qui est de l'écriture, mais si vous pouvez demander à un conteur, et croyez-moi que la moitié des conteurs de la ville connaissent ces poèmes, de vous en compter un, vous pourrez être agréablement surpris. Quels sont les thèmes généralement abordés ? Voilà, c'est ce que j'ai. Ça parle énormément... Les crimes, les traverses, Venise, les meurtres... Non, non. À tout hasard. C'est beaucoup plus subtil. Vous voyez, ce sont des thèmes qui parlent bien souvent, évidemment, des crimes, mais parce que les crimes nous entourent. Les crimes et... Les crimes. Non, quel genre de crimes ? Non, les crimes, je parle de cette matière dans laquelle vous ne voulez pas tomber un soir. Bien sûr. Et ça parle de l'écrit, mais de manière presque romantique, mais sans jamais aller trop loin et frôler les réticences anti-scientiques. Au contraire, c'est très scientifique comme écrit, ce qui me fait penser que cette personne, venant certes de la Basile, a l'air d'avoir une culture. Je pense qu'il faut être largement professeur, quelque chose du genre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un savoir sur... méthodique, je pense que tout artiste doit l'être un minimum. Mais quelqu'un qui a de l'émotion, quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui... Mais enfin, après, je vous avoue qu'il n'y a aucun rapport avec ce disque, mais... Non, mais voilà, ça... cela n'a rien à voir. Oui, oui, le jeu, par contre, parler d'artiste, c'est quelque chose de passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais j'en parle toute ma vie. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide et votre expertise. Mais là, eh bien, mon plaisir. Avez-vous besoin d'autre chose ? Pour ma part, je pense que c'est bon. Je regarde mes collègues. À part récupérer le disque, en effet. On va le garder. Oui, et dans un tout autre domaine, est-ce que vous avez dans vos locaux des gens intéressés par les costumes, hein, des costumiers, ce genre de choses, une personne qui s'intéresse à une forme de théâtre, réaliste, ou ce genre de choses? Nous, la loge des antiquaires, je me permets de parler un peu en son nom, nous estimons fortement ce genre d'art méprisé, bien sûr à tort, je pense, par les loges actuelles, les doges surtout, qui les gèrent. Bien entendu, nous avons, mais nous avons même des cracheurs de feu, des arlequins, du théâtre de rue, donc croyez-moi que si ce bâtiment est aussi grand, ce n'est pas juste par souci de grandeur, c'est parce qu'il a besoin de recueillir autant de personnes. Vous pouvez trouver bien facilement votre bonheur ici. Vous sauriez me guider vers ces... Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, ça fait un peu de marche. Il se trouve à l'extrémité du bâtiment, mais si vous avez un peu de marche face à vous, vous pourrez facilement trouver une des troupées. Oh, d'autant plus. Moi aussi, j'aime beaucoup ce mode de transport. Je le trouve un peu trop méprisé par la ville. Vous les cherchez dans un but particulier, que je sache vers qui vous guidez, si vous voulez. Vous avez besoin de... Vous voulez des cours? Vous voulez... Des accessoiristes. Des accessoiristes. Oui, en effet, voyez-vous, je travaille sur une nouvelle forme de média, je dirais. Je ne sais pas si l'idée semblerait intéressante ou pas, mais je pense... Je le décris un peu comme la rencontre... de la musique et du visuel, vous savez, comme raconter une histoire avec plusieurs genres de médias déjà existants qui se rencontreraient. J'ai dans l'idée d'appeler ça film, mais je ne sais pas exactement. Non, je vois, je dois vous avouer que c'est un peu flou, mais si vous avez des travaux à montrer, je serais très curieux. Le point central serait surtout au niveau visuel que les costumes seraient. Non pas, disons, assez simpliste, comme on peut le voir dans certaines pièces de théâtre, mais au plus proche de la réalité. Allez voir la costumière Emily Faure, c'est une des plus talentueuses que je connais de la ville. Elle vient de Paris, forcément, ville artistique, pas aussi grande que Venise, bien entendu, mais qui n'est pas à plaindre, et je pense qu'elle pourrait vous plaire. Merci. Si vous pouviez juste me donner la direction à laquelle je peux la trouver. Ah oui, tout à fait, je vous ai indiqué à l'extrémité du bâtiment, c'est là où il travaille. Okay. Eh bien, merci. Nous n'allons pas prendre plus de votre temps. Bah, il vous remercie à son tour, il range les affaires, vous rend le disque, évidemment, ce genre de choses. Et tout simplement, vous indique que la sortie est... la direction à prendre pour aller rejoindre Emily Faure, ce genre de choses. J'aurais posé une petite question, qui est évidemment, Esther, tes émotions, tes sentiments, ce genre de choses, dis-moi. Actuellement, je sais pas. En fait, c'est peut-être très égoïste pour moi, mais l'enquête actuellement, je m'en suis un petit peu détaché. Depuis tout à l'heure, même si évidemment j'écoute, je reste attentif, j'essaie d'observer à droite à gauche, je n'ai qu'une seule obsession, c'est... ils sont quand même mal foutus, ces vélos. L'idée est bonne, mais peut être largement améliorée. Et peut-être simplement qu'en changeant le système, et déjà en utilisant des matériaux beaucoup plus légers, nous pourrions réduire l'effort nécessaire, et ainsi que la quantité d'énergie que demande la simple action de la pédale. Je me demande aussi également comment est-ce que je pourrais éventuellement l'automatiser. Et je réfléchis aussi à un système, peut-être, mais je sais pas, c'est encore dans ma tête, de vélos sans pédales qui ne serviraient qu'à la descente et permettraient de diviser par deux les coûts, puisque les gens récupéraient leur vélo pour remonter. N'empêche que j'hésite aussi entre ce modèle ou le modèle d'un vélo pliable qui permettrait par exemple d'être transporté sur le dos. Accroché à des sangles, tel un sac en fait. Puisque je remarque que Kornilov, par exemple, se plaint énormément du poids. J'essaie ainsi en fait de récolter un petit peu les avis des gens et de m'adapter à la situation pour fournir un produit qui s'adapte justement aux personnes qui l'utilisent. Je me dis qu'avec l'usine que je possède et les matériaux, nous pourrions facilement lancer ça sur le marché d'ici un ou deux une ou deux lunes si jamais je suis vraiment, en tout cas pour les premiers prototypes. Et voilà, globalement. Pour l'enquête, ça va. Ça avance. Et j'ai quand même, même si je, oui, je la joue un peu maligne, un peu peur de cette histoire de tueur, et je me dis que je vais essayer de vérifier que personne ne puisse rentrer chez moi.